L'original. The original ring. L'original anneau de mariage. The original salvation. La salie originelle. I'm longing for antique. Je cherche ce qui est antique. I don't want modern. Je ne veux pas ce qui est moderne. The modern salvation. Le salut moderne. Prosperity gospel. Le message de la prospérité. The gospel of money. Le message de l'argent. The gospel of immorality. Le message de l'immoralité. The gospel of homosexuality. Le message de l'homosexualité. The gospel of visa to France. Le message de visa pour aller en France. Visa pour le Canada. Il dit, I am looking for the old gospel. Je cherche le message ancien. The original church. L'évangile ancien. The pure church. L'église pure. The church of the cross. L'église de la croix. The church of the blood. L'église du sang. I am looking for the original pastor. Je cherche le pasteur originel. The shepherd. Le berger. Immédiatement. Mighty Father, puissant Père, the Father of our Lord Jesus, le Père de notre Seigneur Jésus, the God of Elijah and Moses, le Dieu d'Élie et de Moïse, the God of Daniel and John the Baptist, le Dieu de Daniel et de Jean-Baptiste, the God of Abraham, le Dieu d'Abraham, the God of Isaac, le Dieu d'Isaac, the tremendous God of Jacob, le Dieu extraordinaire de Jacob. Father, tonight, Père, ce soir, this night, ce soir, we meet here, nous nous rassemblons ici, in the mighty name of Jesus, dans le puissant nom de Jésus, in this land, dans ce pays, to hear from you, Jehovah. D'entendre de toi, Jéhovah. At this very, very critical time in the history of the church. À ce moment très critique de l'histoire de l'Église. That you may give us leadership. Afin que tu nous donnes le leadership. Counsel. Le conseil. Direction. La direction. At this hour. À cette heure ici. That we may prepare the glorious way. Afin que nous puissions nous préparer de la manière glorieuse for the coming of the Messiah. Pour la venue du Messie. Father, I give you praise and blessings. Père, je te donne la gloire et la louange. That you have allowed this meeting. Que tu aies permis cette réunion. In this nation. Dans ce pays. At this time. À ce temps ici. I ask you, my Lord, je te demande, mon Seigneur, to open heaven over this land, d'ouvrir le ciel sur ce pays, that they may see the latter glory, afin qu'ils voient la gloire de la pluie, the last revival, le dernier réveil, in the mighty name of Jesus, dans le puissant nom de Jésus, so be it, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. And amen. Et amen. Alléluia. Alléluia. Let us clap to the Lord. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Now you can be seated. Maintenant vous pouvez vous asseoir. You can be seated in the mighty presence of the Lord. Pour vous asseoir dans la puissante présence du Seigneur. So we may begin. Afin que nous puissions commencer. I want to bless the Lord. Je veux bénir le Seigneur. And thank you very, very much. Et le remercier vraiment beaucoup. For bringing me to your blessed country. De m'amener dans votre pays béni. At this very, very important hour in the church. À ce moment très, très important dans l'église. I want to thank the Lord very much. Je vais vraiment bénir le Seigneur, remercier le Seigneur. For helping me. De m'avoir aidé. To arrange this. D'arranger ceci. And bring me here. Et m'amener ici. And for that I say thank you. Et pour cela je dis merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Forever to the Lord. Pour toujours pour le Seigneur. Because of the things I'm going to say here. À cause des choses que je vais dire ici. Number two. Deuxièmement, I want to thank the Lord. Je vais remercier le Seigneur. For raising for you this country. D'avoir élevé pour vous ce pays. Allow me say this before I begin. Permettez-moi de dire ceci avant de commencer. For raising for you this country. D'avoir développé ce pays pour vous. At this hour. À ce temps ici. This hour is a little bit tricky. Ce moment ici est un peu compliqué. It looks more like this is the hour of darkness. C'est comme si c'est l'heure des ténèbres. And sometimes you may not know. Et des fois vous ne pouvez pas savoir. For me, I go all over the world, so I know. Pour moi, je parcours le monde entier, donc je sais. Sometimes it is difficult to get God-fearing leaders. Des fois, c'est difficile de rencontrer les hommes de Dieu qui craignent Dieu. All over the world. Partout dans le monde. And I want to begin by first of all. Mais premièrement, je veux commencer à dire. Thanking the Lord for helping you. Remercier le Seigneur de vous avoir aidé. To raise for you some leaders that fear God. D'élever au milieu de vous des serviteurs qui craignent Dieu. Today they don't fear God. Aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu. In fact, en fait, they don't have God in their agenda. Ils n'ont pas Dieu dans leurs agendas. And because of that, et à cause de cela, raising God-fearing people in this land, élever les hommes de Dieu qui craignent Dieu dans ce pays, His Excellency, the ambassador of this country, son excellence, l'ambassadeur de ce pays à Nairobi, approached me. Il m'a approché because of raising for you God-fearing people. Pour élever au milieu de vous des hommes de Dieu qui craignent Dieu. He came to me. Il est venu à moi. And so, I was very surprised. Alors j'étais très surpris. When the ambassador came, quand l'ambassadeur est venu, and said, et il a dit, I have seen what the Lord is doing in Kenya. J'ai vu ce que le Seigneur fait au Kenya. Can you go before the Lord? Pouvez-vous aller devant le Seigneur and ask him et lui demander if you can visit my country. Si tu peux visiter mon pays? And I thought, et je pensais. Because the ambassador, comme l'ambassadeur, relationship, sa relation, diplomacy, sa diplomatie, to learn some things from Kenya, d'apprendre quelque chose du Kenya, tourism, le tourisme, and that Kenya may learn something from Congo, que le Kenya puisse apprendre quelque chose du Congo, exchange, et échanger cela. But I was shocked. Mais j'étais choqué. That what he saw, que ce qu'il a vu, was the exchange of revival. C'était l'échange du réveil. Alléluia. So, alors, thank you very much. Merci beaucoup for being humble. D'être humble. And he came. Et il est venu. Not once. Non seulement une fois. A few times. Plusieurs fois. To meet with me. Pour me rencontrer. Until today, jusqu'à aujourd'hui, we are here. Nous sommes ici maintenant. May the Lord be blessed. Que le Seigneur soit loué. Thank you so much. Merci beaucoup. It takes a God-fearing people. Ça prend des gens qui craignent Dieu. It takes the blessing of God. Ça prend la bénédiction de Dieu. For you to have such a leader. Avoir des leaders comme celui-ci. Number three. Numéro 3. And then number four, then I begin. Et alors, il y aura aussi un numéro 4, un point 4. At this hour, à cette heure-ci, it is difficult, c'est difficile to get God-fearing church leaders, d'avoir des leaders des églises qui craignent Dieu. Hallelujah. Alléluia. And so I want to thank the Lord. Alors je veux remercier le Seigneur for raising for you the leadership of the church. De lever pour vous les leaders de l'église that can have the courage to invite me here. Qui peuvent avoir le courage de m'inviter ici. Because of what I'm going to say here. À cause de ce que je vais dire ici. It takes courage. Ça prend le courage for you to invite me here. Pour vous de m'inviter ici. Hallelujah. Alléluia. Kenya did not have that courage. Le Kenya n'avait pas ce courage. When I went, quand je suis allé là-bas, they trembled. Ils ont tremblé. They rejected. Ils ont rejeté. But now they are having the biggest revival in the history of the Bible. Maintenant ils ont le plus grand réveil dans l'histoire de la Bible. So I want to thank the Lord. Mais je veux remercier le Seigneur for helping you to have the church leadership I see here. D'avoir parmi que je vois tous les leaders de l'église ici. That can mobilize this meeting. Qui peut mobiliser cette réunion. Because of what I'm going to say here. À cause de ce que je veux dire ici. Number four. Numéro 4, point 4. Most important. Et le plus important. I want to thank the Lord. Je vais remercier le Seigneur. For raising for you a God-fearing president. De lever pour vous un président qui craint Dieu. That can organize this. Qui peut organiser ceci. And love the Lord. Et aimer le Seigneur. Today. Aujourd'hui. They don't fear God. On ne craint plus Dieu. So I don't want you to take it for granted. Alors je ne veux pas que vous puissiez prendre ça pour acquis. Let me mention this. Laissez-moi mentionner ceci. I take this message all over the earth. Je prends ce message partout sur la terre. But I can see. Mais je peux voir. Congo Brazzaville. Que Congo Brazzaville. You are the good story of Africa. Vous êtes la bonne histoire de l'Afrique. I can see that. Je peux voir cela. Why do I come to your country at this time? Pourquoi suis-je venu dans votre pays à ce temps-ci? Why does the Lord send me to you? Pourquoi le Seigneur m'a envoyé vers vous? At this hour. À cette heure ici. Listen to me, precious people of this land. Écoutez-moi, précieux peuple de ce pays. The reason the Lord has sent me here today. La raison pour laquelle le Seigneur m'a envoyé ici aujourd'hui. Is because. C'est parce que. God the Father. Dieu le Père. The God of heaven. Le Dieu des cieux. The God of our Lord Jesus. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. He has spoken with me. Il a parlé avec moi. About the glorious coming of the Messiah. Au sujet de la venue glorieuse du Messie. The Lord Jehovah. Le Seigneur Jéhovah. He has already spoken with me and revealed to me about the glorious coming of the Messiah. Il m'a déjà parlé, il m'a révélé au sujet de la glorieuse venue du Messie. And in this conversation, et dans cette conversation, as you are going to see, comme vous allez voir, there is a tremendous instruction, il y a des instructions extraordinaires to the church, à l'église. An instruction that if the church in Congo Brazzaville will catch, les instructions si l'église de Congo Brazzaville saisit cela, then the kingdom of God is yours. Alors le royaume des cieux est pour vous. An instruction. Une instruction. That if the pastor of Congo Brazzaville. Que le pasteur de Congo Brazzaville. If you catch this instruction. Si vous allez saisir ces instructions. Then, alors. The end time revival. Will visit here. Le réveil du temps de la fin va visiter ici. The revival of power. Le réveil de la puissance. The revival of repentance. Le réveil de la repentance. The revival of righteousness. Le réveil de la justice de Dieu. The revival of holiness. Le réveil de la sanctification. The revival of the Holy Ghost. Le réveil du Saint-Esprit. The revival that was promised in the Bible. Le réveil qui avait été promis dans la Bible. The one that Jesus said. Celui que Jésus a dit. Greater things than I shall you do. Vous allez faire de plus grandes choses que ce que j'ai fait. And now, listen to this now. Écoutez ceci maintenant. This hour in the church. Cette heure-ci dans l'église. This is the time. C'est le temps. The church needs that help. L'église a besoin de cela. That help. L'église a besoin de cette aide. This is the time the church needs that power. C'est le moment où l'église a besoin de cette puissance. Because of the condition of the church. À cause de la condition de l'église. Now, maintenant. Because of time. À cause de temps. I want to move step by step. Je vais aller étape par étape. Now listen, precious people. Maintenant écoutez, précieux peuple. The main conversation we are going to have. La conversation principale que nous allons avoir. I hope today, the evening, or tomorrow morning, j'espère aujourd'hui l'après-midi bien demain matin ça va être au sujet de la visitation de la nuée de Dieu. This is the biggest visitation in the church right now. Ça c'est la plus grande visitation de Dieu à l'église maintenant. The prophecy I gave on November 21st, j'ai donné la prophétie le 21 novembre. It was fulfilled December 31st. Et ça s'est accompli le décembre 31 décembre. The visitation of the Godhead, himself, the Godhead. La visitation de Dieu dans sa totalité lui-même. The Godhead himself. Oui, la Trinité de Dieu. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. The visitation of God, the Father, in the church. La visitation de Dieu, le Père, dans l'Église. This is the conversation going all over the earth. Ça c'est la conversation qui part dans le monde entier. From Auckland, New Zealand, à partir de Auckland, la Nouvelle-Zélande, to Finland, or au Finlande au nord, from South Korea to Canada, de la Corée du Sud au Canada. And I'm going to talk about this. Et je vais parler de ça. Mais I want to begin with the conversation. Je vais commencer avec la conversation. Qui a donné naissance à ce réveil? I want to begin with that conversation that exploded out this revival for this visitation to come. Je vais parler de cette visitation qui a fait naître ce réveil pour que ceci puisse venir enfin. This is the treasure the Lord has now brought to the church. Ça c'est le trésor que le Seigneur a maintenant amené à l'église. To help you. Vous aider et élargir vos tentes et vous préparer. Alléluia. Écoutez, précieux peuple. Le Seigneur m'a parlé sur la venue du Messie. Et je veux commencer avec cette conversation. Quand le Seigneur m'a parlé about the coming of the Messiah. Quand le Seigneur parlait sur la venue du Messie, what did the Lord say? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? I want to begin with the conversation of November 1. Je vais commencer avec la conversation du 1er novembre 2006. 2006. What I call the foundation message. Quand ce que j'appelle le message de fondation, de fondement, that brought the church this far. Qui a amené l'église à si loin. And you have to remember, vous devez vous rappeler that this is the hour. Ceci est l'heure in which the Lord is visiting the church. Dans laquelle le Seigneur est en train de visiter l'église. So make sure, soyez sûr, in whatever you do, dans tout ce que vous êtes en train de faire. From this point on, à partir de ce point ici, make sure, soyez sûr, that the product, que le produit of this conversation here, de cette conversation ici, is that the Lord, que le Seigneur visits the church in this land, que Dieu visite l'église dans ce pays. That is the bottom line. Ça c'est le point final. And I know you are from many nations. Et je sais que vous êtes de plusieurs nations ici. Those from many other countries, ceux qui sont de la France, d'autres pays, C'est aussi un message pour vous, les gens de l'Afrique du Sud, le Canada. Écoutez, je vais discuter la vision maintenant. Maintenant. Quand le Seigneur m'a parlé sur la venue du Messie, dans cette conversation, quand le Seigneur m'a parlé à 3 heures du matin, sur la venue du Messie, what did the Lord say? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Everybody, I am describing the vision. Suivez-moi, je décris la vision. In that mighty vision of Jehovah, dans cette puissante vision du Seigneur, at 3 a.m. in the morning, à 3 heures du matin, I found myself, je me suis vu moi-même, looking at the sky, j'ai regardé vers le ciel, in the vision, dans la vision, 3 a.m. looking at the sky, j'ai regardé dans la vision au ciel. Very good. And when I was looking at the sky, et quand je regardais vers le ciel, there was pitch darkness. Il y avait des épais ténèbres. Obscurity. Pitch darkness covered the sky. Un épais ténèbre couvrait le ciel. Above the earth. Au-dessus du ciel. And as I looked at the pitch darkness covered the sky. Et quand je regardais à cet épais ténèbre qui couvrait le ciel. In that vision. Dans cette vision. This is what I saw. Regardez ce que j'ai vu. Looking at darkness. Quand je regardais vers ce ténèbre là. In the vision. Dans la vision. And then all of a sudden. Et soudainement. Heaven opened into the dark sky. Le ciel s'ouvra dans ces ténèbres là. Heaven opened into the dark sky. Et le ciel s'est ouvert dans ce ciel ténébreux. And when heaven opened into the dark sky. Et quand le ciel s'est ouvert dans ce ciel ténébreux. Look what I saw. Regardez ce que j'ai vu. I began to see. J'ai commencé à voir. The glory of God. La gloire de Dieu. Coming down from heaven. Ça descendait du ciel. Like a cloud. Comme une nuée. A brilliant cloud. Comme une nuée brillante. Not at once. Pas d'un coup, pas du seul. Coming in clusters. Ça venait en groupe. So the first group, the first cluster. Alors le premier groupe qui est descendu. Coming out. Ça sortait. The second cluster. Le deuxième groupe de la nuée. Like a cloud. Comme une nuée lumineuse. Coming down also. Ça descendait aussi. And I realized. Et j'ai réalisé. That there was a new phenomenon. Qu'il y avait un nouveau phenomène. Happening to the sky. Qui apparaissait au ciel. When the glory was coming down. Quand la gloire descendait du ciel. A new phenomenon was taking place. Il y a un phénomène nouveau qui prenait place là-bas au ciel. The glory of God. La gloire de Dieu. That was coming down through the entrance that opened. Qui descendait du ciel de l'entrée qui était ouverte au ciel. From heaven. Into the dark sky, du ciel vers le ciel qui était ténébreux, was beginning to change the sky. A commencé à changer le ciel, le firmament. The sky, ça changeait le firmament. From darkness to light, des ténèbres à la lumière. Illuminating the sky, ça a tout illuminé le ciel. Donnant la lumière au ciel. The sky, et changeant le ciel. Forming the sky, transformant le ciel. Illuminating, en illuminant le ciel, chasing away the darkness, et chassant les ténèbres qui étaient dessus. What a tremendous dispensation. Quelle dispensation merveilleuse. I have been praying and fasting for this nation. J'étais en train de jeûner et prier pour ce pays. Today, aujourd'hui, my prayer has been answered. Ma prière a été répondue. That I can come finally. Que je puisse finalement venir. And bring you this tremendous message of Jehovah. Et vous amener ce message terrible de Jéhovah. The message. Le message. In which the glory is coming from heaven. Dans le message, la gloire vient du ciel. And chasing away the dark. Et chasse les ténèbres. Hallelujah. Hallelujah. You can almost tell. Vous pouvez dire. The message I have brought. Le message que j'ai amené. From just this first part. Juste avec cette première partie. The glory comes. La gloire descendait. And chasing away the darkness. Et chassait les ténèbres. The other important thing also. L'autre chose importante. Heaven was closed. Le ciel était fermé. And then heaven opened. Et le ciel s'ouvra. Hallelujah. You can almost tell why I'm here. Vous pouvez juste dire pourquoi je suis ici. Why Jehovah has brought me here. Pourquoi Jehovah m'a amené ici. There are two announcements right there. Il y a deux annonces à ce moment. The first one. Le premier, la première annonce. Darkness. Les ténèbres. No, there are three. Il y en a trois. The first one you see. La première que vous voyez. Dispensation of darkness. La dispensation des ténèbres. The second announcement you see there. Le deuxième annonce que vous voyez là-bas. That heaven now opens. Que maintenant le ciel est ouvert. Alléluia. Dispensation of open heaven. La dispensation du ciel ouvert. The third one. Le troisième. Maintenant. There is an outpouring of heaven. Il y a la gloire du ciel qui descend. Let us make it four. Mettons ça quatre. The fourth announcement. Le quatrième annonce. Is that when the glory outpours from heaven according to the promise in the Bible. La gloire qui descend du ciel selon la promesse biblique. It chases away darkness. Ça chasse les ténèbres. Chases away darkness. Ça chasse les ténèbres de loin. What a tremendous message. Quel message extraordinaire à cette heure ici, dans l'église. Vous entendez, vous me comprenez? Parce que je crois que vous n'avez pas payé un frais d'enregistrement pour venir ici. Avez-vous payé quelque chose? Parce que normalement, dans ce temps, si tu t'enregistres à l'internet et tu réserves un siège et puis tu donnes ton paiement, 500 euros, $600, et quand tu vas là-bas, tu vas entendre comment cet homme move from rags to richness. Est passé de la pauvreté à la richesse. You pay, tu as payé and get nothing. Et tu ne reçois rien. You hear stories, tu écoutes des histoires. What a tremendous time in this life. Quel temps extraordinaire à l'église. Qu'aujourd'hui, la vérité est arrivée. Into this church. Dans cette église. And only the truth. Et seule la vérité and set this church free. Va libérer cette église. You can almost tell. Tu peux à peine dire why I am here. Pourquoi je suis là. Because he said, parce qu'il dit pitch darkness, les ténèbres paient and heaven is closed. Et le ciel était fermé. He said, après il dit now heaven open. Maintenant le ciel est ouvert. And then he said, après il dit the promise of Haggai que la promesse d'Agée chapitre 2, Joël, chapitre 2, le Joël chapitre 2, c'est en train d'arriver. La dispensation de répandre. Said, il dit happens, quand cela va arriver, away alors il chasse les ténèbres. I need time. J'ai besoin du temps. I know our time is very short, but I need time here. J'ai besoin d'un peu de temps. Je sais que notre temps est limité, mais j'ai besoin de temps ici. I am not yet giving the message. Parce que je n'ai pas encore donné le message. I'm just laying the foundation. Je suis en train de poser le fondement. I am just describing the vision. Enfin, je suis seulement en train de décrire la vision. And then I'll bring the revelation. Après, je vais amener la révélation. Huh? Alléluia. That you can live in peace. Afin que vous vivez en paix Congo, ici au Congo Brazzaville. No more. Puis in peace. En paix. And then, alors good roads. Les bonnes routes. Good buildings also. Les bons buildings aussi. This is national congress. Ça c'est le palais de congrès. And then, alors this message is added to you. Le message vous est ajouté par dessus cela. God must love you. Dieu doit vous avoir aimé. I think God loves this country. Je crois que Dieu aime ce pays. Alléluia. Alléluia. I did not come out of a tragedy. Je ne suis pas venu d'une tragédie. Oh, what? 6,000 people have died there. Run there. Non, il y a 6,000 personnes qui ont mort. Cours là-bas. The Lord is adding unto you the kingdom of heaven. Le Seigneur est en train de vous ajouter le royaume des cieux. Alléluia. Now listen to me. Maintenant, suivez-moi. Can I continue? Est-ce que je peux continuer? Stick with the vision. Avec la vision. Now listen. Maintenant, écoutez. When the glory was coming down, quand la gloire descendait, and the sky is changed into light, et le ciel changeait en lumière, then I realized, et j'ai réalisé from the earth where I was standing, de la terre d'où j'étais debout, that the glory was reaching me, que la gloire m'atteignait moi aussi. The glory was beginning to illuminate the earth, et la gloire commençait à illuminer la terre. To give light to the dark earth where I de donner la lumière sur la terre qui était dans les ténèbres. And then after a moment, après un moment, the Lord allowed me, le Seigneur m'a permis to look through the entrance that was open, de regarder à l'entrée qui était ouverte au ciel. And I was able to look into the heaven. Et j'étais capable de voir à l'intérieur du ciel. What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? I saw the tremendous power. J'ai vu la puissance extraordinaire. L'autorité glorieuse. The enormity of the glory of God. La gloire supérieure de la gloire de Dieu. In heaven. Au ciel. The brilliance. La brillance. Splendor. La splendeur. La resplendissante. So, j'ai vu cela. I saw the glory of so much power. J'ai vu comment la gloire a beaucoup de puissance là-bas. Quand j'ai regardé là-bas, then I saw something else. Alors j'ai vu quelque chose d'autre. J'ai réalisé qu'il y avait une autre couleur. The brilliant glory, la gloire brillante, radiant, radiante, resplendent, resplendissante. As I was looking, quand j'ai regardé, I saw another color. J'ai vu une autre couleur. So I became interested in that different color. Alors j'étais intéressé à cette couleur différente. The Lord made me now focus on another color. Alors le Seigneur m'a permis de focus sur une autre couleur. In other words, ask, what is that? En d'autres mots, de me demander, mais c'est quoi encore ça? A golden color. Une couleur d'or. In the midst of the glory. Au milieu de cette gloire. And I noted, et j'ai réalisé that the more I look at that color, plus je regardais à cette couleur, cette chose différente, plus je regardais, ça devenait plus large et plus large et plus large. Et j'ai réalisé, et j'ai réalisé que ça s'est déplacé en fait. Ça s'est déplacé vers l'entrée qui était ouverte. The more it came closer, plus ça arrivait plus près, the bigger it became. Plus ça devenait grand aussi. And when it reached the entrance that was open, et quand ça atteint la porte qui était ouverte au ciel, into the sky, dans le ciel, then I saw, alors j'ai vu and realized, et j'ai réalisé were, que c'était two golden glorious wedding rings. Deux puissante et glorieuse anneau de mariage. Anillo de boda in Spanish. Anneau de mariage. Two golden. Deux anneaux d'or. Glorious. Glorieuse. Mighty. Puissante. Powerful. Puissante encore. Les anneaux de mariage là au ciel. And the way the Lord put them, la manière que le Seigneur les a placés. Regardez vers moi maintenant. The way the Lord placed them at the entrance, la manière que le Seigneur les a placés à l'entrée. I was wondering, je me demandais. Is he trying to use gold? Est-ce qu'il essaie d'utiliser l'or? To write the figure 8. D'écrire la figure de nombre 8. Horizontal. De façon horizontale. Because parce que he began to tilt them like this in opposite direction. Il était en train de les tourner comme ça dans le sens opposé. Everybody focusing here now. Tout le monde regardait vers moi. Opposite direction like this. Il est tourné dans le sens opposé comme suit. And very slowly, this et way, doucement, this way, de ce marge, when you look from where I was, et quand tu regardes d'où j'étais debout, you see as if he's trying to write figure 8 with gold. C'est comme s'il essaie d'écrire le chiffre 8 avec de l'or. Only later, et c'est seulement plus tard, I found out he is not writing 8. J'ai réalisé qu'il n'écrivait pas le chiffre 8. He was only tilting the wedding ring. Il était juste en train de le tourner. les anneaux de mariage, to allow me de me permettre to see the wedding ring. De voir ces anneaux de mariage, il me montrait que je puisse venir au Congo Brazzaville et de décrire les détails to the church. À l'église. Listen now. Écoutez ceci. He was tilting. Il est retourné. And in the process, et dans ce processus, I was able to see j'étais capable de voir the surface of the wedding ring. La surface de l'agneau de mariage. How he used very rich, reddish brown gold. Comment il a utilisé une richesse de l'or qu'il a mis dessus. Reddish brown gold. L'or poli, riche qu'il a mis au-dessus. And then, even the finishing of the surface. Même la finition de la surface. From where I was, de là où j'étais. Even from where I was, même de là où j'étais. When I looked at the surface, quand je regardais sur la surface de l'anneau. At one point, à un point. I thought, j'ai pensé. That droplets of water have been put on the surface, like some drizzling. C'est comme des gouttes de l'eau qui étaient poussées. Mis dessus de l'alliance. Like some drizzling of rain, oui, c'est comme des gouttes d'eau qui tombent de la, ce qui était sur la surface de l'anneau. But only later I found that no. Plus tard, j'ai réalisé que non. These were not droplets of water. Ce n'était pas les gouttes d'eau. These were rich dust of oil. C'était une de l'or riche qui était mis sur l'alliance pour finir cela. Oui, les poussières de l'or qui étaient mis dessus. Sur la surface. Et le Seigneur m'a fait comprendre que si je touche l'anneau, je vais toucher, je vais sentir l'attraction qui est dessus. Sur ma main. Mais he also made me know, il m'a aussi fait comprendre that based on the design of the ring, basé sur le design de cet anneau, Church of Christ in Congo, l'église de Christ au Congo, everything I'm describing is for a purpose. Tout ce que je suis en train de décrire a un but in this detail, dans ces détails que je donne ici. Make sure you catch everything I'm trying to describe. Soyez sûr de ressaisir tout ce que je suis en train de décrire. En fait, c'est un message pour l'église. Quand Dieu parle, il est très profond. C'est très profond. Je donne la description de chaque détail intentionnellement. Afin que je vous donne ce détail, maintenant écoutez ceci. Then he made me see the design. Mais après, il m'a fait voir le design autour de l'anneau. De ces deux anneaux de mariage. Il m'a fait comprendre. They are perfect identical. Ils sont parfaitement identiques l'un à l'autre. Les deux anneaux de mariage. He made me know. Il m'a fait comprendre. That one ring belongs to Christ the Messiah. Que un des anneaux appartient à Christ le Messie. And the other one belongs to the church. Et l'autre appartient à l'église. But mais that is the time, ça c'est le temps when I protested, quand j'ai protesté in the vision, dans la vision. I refused. J'ai refusé. I wonder, je me demandais, but how can the Messiah have the same type of ring like the church? Comment est-ce que le Messie peut avoir le même type d'anneau que l'église? I wonder, je me demandais. So in my heart, I was protesting. Dans mon cœur, j'ai commencé à protester. Inside the vision. Dans la vision même. He said, one ring belongs to Christ the Lord. Il dit, l'un de l'anneau appartient à Christ, le Messie, le Rédempteur. The one who defeated death. Celui qui a vaincu la mort. The King of Glory. Le roi de gloire. The Redeemer of men. Le racheteur des hommes. The Son of men. Le Fils de l'homme. The Son of God. Le Fils de Dieu. The living stone. La pierre vivante. The living bread. Le pain de vie. The fountain of water in the church. Oh, la fontaine de l'eau vive de l'église. And the other one belongs to mortal, me and you. Et l'autre appartient au mortel, moi et vous. I began to protest in my heart. J'ai commencé à protester dans mon cœur. In the vision. Dans la vision. Give one ring. Je me demandais, how can the Messiah wear the same type of ring? Comment est-ce que le Messie peut porter le même type d'anneau que l'église? But the Lord went on. Mais le Seigneur a continué. He began to show me. Il commence à me montrer the design. Le design. I have been working with graphics designers on the computer. Je suis en train de travailler avec les graphiques designers dans l'ordinateur. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Always trying to come closer and closer to the vision I saw. Essayer d'arriver au plus près possible de la vision que j'ai vue. In fact, there is an article I'm about to put in the web on this message. En fait, il y a un article que je dois mettre sur l'internet sur ce message. And you see how I work with the graphics designers to do very, very exactly like I saw. Vous allez voir comment je travaille avec les designs pour arriver à peu près à ce que j'avais vu. But listen to this. Mais écoutez ceci. The Lord made me know. Le Seigneur m'a fait comprendre that this round design, round, que cette la forme circulaire de ce design and the part that shows, et la partie qu'on voit sur le dessus when you wear the ring, quand vous portez l'anneau, that part was a little bit flat. Cette partie dessus, round, the ring there, a little bit flat. Cette partie était un peu plus plat en rond et puis un peu plat au dessus, en cercle et puis un plat au dessus. Then he put there, et là another type of gold. Il a mis un autre type d'or. Diamond like gold. Les diamants qui ressemblent à de l'or. Gold like diamond. L'or qui ressemble au diamant. Because it was shining. Parce que ça brillait, ça étincelait. As if they are embossed. C'est comme si ça était incrusté. The part that shows. La partie qu'on voit sur la main. That holds the finger. Alors il m'a montré aussi la partie intérieure qui tient le doigt. It was made of rich yellowish gold. Il s'est mis d'un or riche jaune. Remember the surface is reddish brown gold. Souvenons-nous, la partie extérieure est riche mais brun. And then I saw even the radiating design of the inside. Et j'ai vu la partie radiante du design intérieur de cet anneau. He made me know. Il m'a fait comprendre. That based on this design. Basé sur ce design ici. Even if I go all over the earth. Même si je partais tout autour du monde entier. I cannot find this ring. Je ne pourrai pas trouver cette partie. Let me repeat this. Laissez-moi répéter ceci. That the church in Congo may understand. Afin que l'église du Congo puisse comprendre. He made me understand. Il m'a fait comprendre. That based on this design. Basé sur le design que j'ai vu. Even if I go all over the world. Même si j'allais partout sur la terre. I cannot find this ring. Je ne pouvais pas trouver cet anneau ici. Number two. Deuxième chose. He made me know. Il m'a fait connaître. That the design. Que le design là. Was antique. C'était antique. Hallelujah. Today is the moment of truth in this church. Aujourd'hui c'est l'heure de la vérité dans cette église. He made me know. Il m'a fait connaître. That the design is very old. Que le design est très ancien, c'est antique. It is not modern. Ce n'est pas moderne. Good morning, Congo. Bonjour, Congo. Bonjour, Demasaba. Hallelujah. Bonjour, Congo. Bonjour, Congo. It is a new day. C'est un jour nouveau. He made me know. Il m'a fait connaître. That the ring. Que l'anneau. They belong to the ancient. Appartient à l'ancien des dés. It is like your grandmother. C'est comme si ta grand-mère. Or grandfather. Ou ton grand-père. Sorti son anneau et il te donne. Hallelujah. How can you come here? Comment pouvez-vous venir ici and give such a message? Et donner un message comme celui-ci to a modern country like Congo, à un pays moderne comme le Congo, and to give them a message, et leur donner le message of an ancient ring, d'un anneau qui est ancien, antique. How? Comment? How can you go to Toronto? Comment pouvez-vous aller à Toronto? Paris. À Paris. New York. À New York. Modern world. Le monde moderne. Modern church. Les églises modernes. And tell them. Et leur dire. That the wedding ring of the church is antique. Que l'anneau de mariage de l'église est antique. Comment? How possible? Comment est-ce possible? How invisible. Listen to me. This is love. Écoutez-moi, ça c'est l'amour. I told you, every part of the vision had a conversation. Je veux dire que chaque partie de cette vision a une instruction, une recommandation pour l'église. Je commençais à comprendre that the Lord que le Seigneur has been watching the church est en train d'observer l'église when the church is doing her thing. Car l'église est en train de faire ses choses à elle, doing her thing. Et faire ses propres choses à elle. The church, l'église, the Lord has been watching. L'Éternel vous regarde. She is trying to do a modern thing. Elle essaie de faire des choses modernes. Modern. Les choses modernes. And the Lord is watching. Et l'Éternel regarde. And when he asks her, what are you doing? Et quand il demande, qu'est-ce que faites-vous? He says, I am preparing for the coming of the Messiah. Et il dit, je me prépare pour la venue du Messie. Doing a modern thing. Et faire les choses modernes. And then the Lord now says, et maintenant le Seigneur dit maintenant, go to them, va leur dire, and tell them, et dis-leur, that the wedding ring of the Messiah, que la note de mariage du Messie, ancient, c'est ancien, that the wedding ring of the church, que la note de mariage de l'église, c'est ancien, go tell them, dis-leur, I am longing, je cherche, for the ancient salvation, que l'ancien salut, l'église ancienne, the original church, l'église originelle, the cross, la croix, le blessant. Oh yes. Hallelujah. My heart is longing. Mon cœur demande. He said, il dit, I appreciate the new building. J'apprécie le nouveau building. Powerful buildings. Un building puissant. This looks like the halls in Europe. Ça, ça ressemble au bâtiment de l'Europe. When we do the meetings in Europe, in Canada, quand nous faisons, America, quand on fait la réunion au Canada, en Amérique, Korea, en Corée du Sud, I am very surprised about Congo. Je suis surpris pour le Congo. This is too modern. Ça, c'est très moderne. In the vehicle, dans la voiture, I was telling my son here, je disais à mon fils ici, I feel as if I'm driving in Europe. Je conduis ici en Europe. There is no pothole on the road. Il n'y a pas de trou dans la rue. And the flag. Et les drapeaux. Good avenue. Les bonnes avenues. I was very shocked. J'étais très choqué. I told him, je lui ai dit, this must be the good African story. Ça c'est la bonne histoire de l'Afrique ici. But now I come here. Mais maintenant je viens ici. And I said, je dis, I appreciate the modern. J'apprécie ce qui est moderne. However, malgré ça, I have a message. J'ai un message. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. However, malgré cela, I have a message. J'ai un message. I have seen the kingdom of God. J'ai vu le royaume de Dieu. I have seen the wedding of the Lamb. J'ai vu le mariage de l'agneau. I have seen the wedding ring for the church. J'ai vu les anneaux de mariage pour l'église. They are old. C'est ancien. Ancient. C'est ancien. Original. C'est original. Antique. C'est antique. They speak about. Ça parle de. The old rugged cross. La croix ancienne. Antigua. La croix antique. Especially au Congo. A besoin de ce message. I know what is being preached here. Je sais qu'est-ce qui est en train de te prêcher ici. Remember, I see everything before I come. Rappelez-vous, j'ai vu toutes choses avant de venir ici. When you sit before me, I have seen you about 2 weeks ago. Quand tu t'assois devant moi, what you will be thinking as I meet you. J'ai vu 2 semaines en avance quand tu t'assieras devant moi et ce que tu vas commencer à penser quand tu seras devant moi. Oh yes. Oh oui. The glory has poured. La gloire est tombée ici. And he is bringing wisdom to the church. Il amène la sagesse à l'église maintenant. Ah. And he says, et il dit that the original. L'original. The original ring. L'original anneau de mariage. The original salvation. Le salut originel. I'm longing for antique. Je cherche ce qui est antique. I don't want modern. Je ne veux pas ce qui est moderne. The modern salvation. Le salut moderne. Prosperity gospel. Le message de la prospérité. Le message de l'argent. Le message de l'immoralité. Le message de l'homosexualité. Le message de visa pour aller en France. Visa pour aller au Canada. Il dit, je cherche le message ancien. L'évangile ancien. L'église pure. L'église de la croix. L'église du sang. Je cherche le pasteur originel. Le berger. Yes. Oui. That is what he said to say. Ça, c'est ce qu'il m'a envoyé dire ici. Il m'a envoyé ici to describe to you de vous décrire the church l'église that will enter. Qui va entrer. You can continue. Vous pouvez continuer playing game. Jouant ce jeu-là. And on that day, et dans ce jour-là, you will be brought to shame. Vous allez être amené à la honte. Ou bien, you can choose, vous pouvez choisir that you want to enter, que vous voulez rentrer and take the message, et saisir le message prepare, et vous préparer Calvary, et retourner à la croix du calvaire. Calvary, le calvaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour mes amis. Bonjour mes amis. I am still describing the vision. Je suis en train de décrire seulement la vision. I have not yet come to the message. Je ne suis pas encore arrivé au message. I have not given the message. Je n'ai pas encore donné le message. I am just describing the vision. Je décris seulement la vision. And giving you some little nuggets of wisdom. Et vous donner quelques grains de sagesse. I have not given the message. Je n'ai pas encore donné le message. I am still in the vision. Je suis seulement dans la vision. In fact, en fait, the message is the book of Revelation. Le message c'est le livre de l'Apocalypse. Chapter 19, we're going to go there. Le chapitre 19, on va arriver là-bas. But listen, mais écoutez, I have to tell you these things. Je dois vous dire ces choses. If I don't do this, si je ne fais pas cela, the Lord will remove me. Le Seigneur va me retirer and punish me et me punir in the public. En public. And send another person et envoyer une autre personne to Congo Brazzaville, au Congo Brazzaville to say it straight. Pour le dire droitement, directement. Oh yes. Hallelujah. There are 7,000. Il y a 7,000 who have not yet bowed to Baal. Qui ne sont pas priés les genoux devant Baal. I know. Je sais. So, alors, I have to say exactly. Je dois dire ça exactement. Because the message is not mine. Parce que le message n'est pas le mien. I am a messenger. Je suis un messager. I cannot change it. Je ne peux pas le changer. I have to transmit it fielment, faithfully. Je dois le transmettre fidèlement. I have to. Je dois. I cannot change. Je ne peux pas le changer. Did you understand? Est-ce que vous me comprenez? Listen to me. Suivez-moi. Now, maintenant, when he showed me the wedding ring, quand il m'a montré les anneaux de mariage, and he's flipping the ring, et quand il a commencé à les tourner, and I see the longing of his heart, je vis le sens de son cœur. He longs for the original ring. Il demande que l'anneau originel, the original church, l'église originelle, the holy church, l'église sainte, the primary church, l'église primitive. He's looking for that church. Il cherche cette église-là avec le vieux évangile. Not a modern gospel. Pas l'évangile moderne. And I stand so, quand je vis comme ça, as the ring were turning, comme l'anneau commence à tourner, then all of a sudden, et soudainement, the voice, la voix a parlé. The voice of the Lord, la voix de l'Éternel. In the vision, dans la vision. Now finally spoke. Finalement, la voix de l'Éternel a parlé. When the voice of the Lord spoke, quand la voix de l'Éternel a parlé, what did the Lord say? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? And he said, il dit, from today on, à partir d'aujourd'hui, all authority, toute autorité in heaven, dans les cieux and authority on the earth, et l'autorité sur la terre has been given to Christ Jesus. A été donné à Christ Jésus. I think I can finish there and leave. Je pense que je peux même arrêter là-bas et partir. He says, il dit, all authority, toute autorité in heaven, dans le ciel and authority on the earth, et l'autorité sur la terre have been given to Christ Jesus. A été donnée à Jésus-Christ. Now I could understand. Maintenant, j'ai compris. Now I could understand. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, when I look at the wedding ring, quand je regarde aux anneaux de mariage, I now understood better. Je comprends ça mieux. I now understood. J'ai maintenant compris. Wow. Wow. So these wedding rings, ces anneaux de mariage, these are the physical representation, c'est une représentation physique of the authority of Christ Jesus, de l'autorité du Christ Jésus. Oh. Hallelujah. Now I understood. Maintenant j'ai compris what the authority of the Messiah is. Que c'est quoi l'autorité du Messie? I now understood better. J'ai compris mieux that the authority of the Messiah, que l'autorité du Messie is the wedding ring. C'est les anneaux de mariage. The authority of the Messiah, l'autorité du Messie, can be summarized. Ça peut être résumé. As the wedding rings in the sky. Comme les anneaux de mariage dans le ciel. I was shocked. J'étais choqué. But it was beautiful to one to know. Mais c'était merveilleux de le connaître. I told my heart. Je dis à mon cœur. I am glad. I am now. I know. Je suis content maintenant. Je sais. I could have gone through life without knowing. Je pouvais partir dans la vie sans connaître. So the authority of the Messiah, donc l'autorité du Messie, that we saw defeat death on the cross, que nous avons vu qui a vaincu Satan à la croix, that we see in the Bible, que nous voyons dans la Bible, is the wedding ring. C'est l'anneau de mariage. Wow! Wow! Wow! The authority, l'autorité, the power of the Messiah, la puissance du Messie, to go down to the death, de descendre à la mort and kill death, et détruire la mort and close the door, et fermer la porte. That authority, cette autorité là, is the wedding ring, c'est l'anneau de mariage. I would have gone through life without knowing. Je pouvais partir toute ma vie sans connaître cela. Now I know. Maintenant je sais. Now I can go all over the world and tell the church. Maintenant je peux partir partout dans le monde et dire à l'église that the entire Bible, que la Bible toute entière, which describes the mighty authority of the Messiah, qui décrit la puissante autorité du Messie, all that, tout ça, is the wedding ring. C'est l'anneau de mariage du Messie. Can I explain to you? Est-ce que je peux vous expliquer? Alléluia. Alléluia. What is the Lord saying? Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? The Lord is saying, le Seigneur dit that the reason the Messiah went to the cross, la raison pour laquelle le Messie est allé à la croix and defeated death, et détruire, vaincre la mort, is for the following. C'est pour ceci. That one day, que un jour, you, the church, vous l'église, vous pouvez rentrer là-bas par cette entrée là-bas. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Maintenant je comprends que un jour le ciel s'ouvrira et l'église pourra porter cet anneau et entrer là-bas. Il dit, the reason the Bible was written, la raison pour laquelle la Bible avait été écrite, the Bible, la Bible, this is the Bible, ça c'est une Bible, the reason this book was written, la raison pour laquelle cette Bible avait été écrite et donnée à vous and given to the church, et être donnée à l'église, that Hallelujah. That's why I said. C'est pourquoi j'ai dit. Bonjour. Good morning. Bonjour. It is a new day. C'est un jour nouveau. À l'intérieur de l'église. The old day is gone. L'ancien jour est passé. The new day has arrived. Le nouveau jour est arrivé. In the house of the Lord. Dans la maison du Seigneur. Oh. Hallelujah. And that tells me, et cela me dit this entire Bible, que toute cette Bible ici is about the Messiah. C'est au sujet du Messie. This Bible, cette Bible là is one big letter. C'est une grande lettre. Yes, letter, instruction, letter. C'est une grande lettre that is inviting you to enter. Qui est en train de vous inviter afin d'entrer. One big invitation card. C'est une grande carte d'invitation. Cette Bible ici. Hallelujah. Hallelujah. So I wonder, je me posais la question. Why the church has been going around, pourquoi l'église allait tout autour, partout? Looking for other letters. Aller chercher d'autres lettres. Reading other letters. Lisant d'autres lettres. And there is the master letter. Alors qu'il y a la lettre principale. Principal, that's very powerful. Amen. The principal letter. La lettre principale est là. She's reading others. She's reading another one. Elle est en train de lire d'autres lettres. There is another one I have heard. J'ai entendu une autre lettre. What? I need to buy it on TV to buy it. On m'a dit de me l'acheter, je vais acheter cela. There is a pastor selling another letter. Il y a un pasteur qui est en train de vendre notre lettre, une autre lettre. Et il dit que si tu m'envoies $500, je t'envoie cet article. The church is reading other letters. L'église est en train de lire d'autres lettres. When the principal letter is here. Alors que la lettre principale est ici. Hallelujah. Le message que je donne à votre pays ici a la puissance d'amener le réveil. This message here, ce message ici, when I spoke like this to Kenya, quand je parlais comme ça au Kenya, and the pastors begin to change their ways, et les pasteurs commencent à changer leur voix. Look at the visitation. Regardez la visitation aujourd'hui. Look at the millions of souls. Regardez les millions d'âmes sauvées. Not walking. Ne marchant pas. Running. Mais sont en train de courir. I don't know what you were taught in the Bible school. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit à l'école biblique. Theological college. Les écoles théologiques. Maybe they taught you financial management. Peut-être on vous a enseigné le management des finances. Maybe they taught you to run the church like a business. Peut-être on vous a dit de gérer l'église comme un business, une affaire. For me. Mais pour moi. I did not go to Bible school. Je ne suis pas allé à l'école biblique. I went one school. Je suis allé à une seule école. The school of the Holy Spirit. L'école du Saint-Esprit. And he told me. Et il m'a dit. That the true definition of revival. La vraie définition du réveil. Is people hungry for Jesus. C'est le peuple qui a soif de Jésus. Le peuple court vers Jésus. The harvest of souls. En moissonne les âmes. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. nettoyer la maison, de nettoyer la maison, de nettoyer la maison, de nettoyer la maison. Que le Saint-Esprit soit dehors. Dehors. Dehors. The Messiah is coming. L'homme, le temps, le Messie arrive. We must now clean up. On doit maintenant nettoyer la maison. En espagnol, on dit grandes, la moisson, la moisson. The grand harvest of souls. La grande moisson des âmes. That is the meaning of revival. Ça, c'est le sens du réveil. I don't know how to give you tricks. Je ne sais pas vous donner des tricks. A trick for this, trick for that. Un trick pour ceci, un trick pour cela. But I know one thing. Mais je sais une seule chose. How to tell you what the Lord has told me. Pour dire qu'est-ce que le Seigneur m'a dit. He says, il dit that we must change our definition of revival. On doit changer notre définition du réveil. Revival means le réveil veut dire the entire nation, le pays tout entier. Very hungry for Jesus. Ils ont très soif de Jésus. And they are running to him. Et ils courent vers Jésus. The harvesting of the soul. Et on moissonne les âmes. That means I have come here to change some things. Ça veut dire que je suis venu ici pour changer certaines choses. I have come to change things in the church. Je suis venu changer les choses dans l'église. Corruption, corruption, corruption. La corruption, la corruption, la corruption. Must now come to an end. Ça doit s'arrêter maintenant. How can you? Comment pouvez-vous? As pastor. En tant que pasteur. As the church. De l'église. Promise to be deliverers. Promettre la délivrance. Say, I will deliver you. Et dit, je vais vous délivrer. You are telling the nation. Tu es dit aux nations. I am going to deliver you. Je vais vous délivrer. How can you be a deliverer? Comment êtes-vous quelqu'un qui délivre? When you yourself. Que voilà que toi toi-même. You are not yet been delivered. Tu n'es pas encore délivré. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que l'Église peut réprimander la corruption pendant que l'Église est corrompue? Eating some money here. On prend l'argent ici. Eating some money here. On mange l'argent là-bas. Corrupting some money here. Corrompre les gens avec l'argent. Sleeping with women here. Coucher avec les femmes ici. Pregnancies here. Donnez-les, engrosser les femmes ici. Non. I have come. Je suis venu. To clean up the house. De purifier la maison. I have come to clean up. Je suis venu nettoyer la maison. Purification. La purification. La maison. La maison. La maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison du Seigneur. La maison du Seigneur. I have come with a broom. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. De nettoyer la maison. De nettoyer la maison. De nettoyer la maison. De nettoyer la maison. Que le Saint-Esprit soit dehors. Out. Dehors. Out. Dehors. The Messiah is coming. L'homme, le temps, le Messie arrive. We must now clean up. On doit maintenant nettoyer la maison. The Messiah is coming. Le Messie vient. There is a guest. Il y a un invité. A guest. Il y a un invité. In your home. dans votre maison. When a visitor is coming, quand un visiteur arrive, you tell them, please clean the house. Vous dites non, nettoyez la maison, nettoyez la maison. I have come to tell you the visitor is coming. Je vous entraîne, je suis en train de vous dire que le visiteur arrive. Coming to the house. Il est rentré dans la maison. Listen to me. Écoutez-moi. So in that vision, dans cette vision, I began to understand, je commençais à comprendre the big wedding rings I was seeing, que les anneaux de mariage que je voyais, they are actually the authority of the Messiah. En fait, c'est l'autorité du Messie. The authority and power, l'autorité et la puissance that can take a human being, que peut prendre un être humain, a sinner, un pécheur, a sinner, un pécheur, and enter into heaven, et l'amener de rentrer au ciel. That is the authority of the Messiah. Ça, c'est l'autorité du Messie. The authority, l'autorité take a sinful church, qui peut prendre l'église pécheresse and change her, et la transformer and push her into heaven, et la pousser d'entrer au ciel. For the sake of the glory and the name of the Messiah. Pour la gloire, l'honneur et la majesté du Messie. Because if you don't enter, parce que si tu n'entres pas, the Messiah will be put to shame. Le Messie sera mis à honte. You must enter. Tu dois entrer. If you don't enter, si vous n'entrez pas, what will happen? Qu'est-ce qui va arriver? The drunkards, les ivrognes, the drug addicts, les ivrognes. The immoral people, les gens addicts à l'alcool, les gens immoraux. Who are in the bar every day looking for men and women? Qui sont dans les bars chaque jour cherchant les hommes comme les femmes? If you don't enter, si tu n'entres pas, they will laugh on that day. On va se moquer ce jour-là. They will laugh at Jesus. Ils vont se moquer de Jésus ce jour-là. They will come to you. Ils vont venir vers toi. And say, hey. On dit, hey. You also did not enter. Toi aussi tu n'es pas entré. For me. Pour moi. I deserve to remain. Moi, je mérite de rester. Because I spent all my life in the bar with women and men. Parce que j'ai passé tout mon temps dans les bars avec les hommes et les femmes. But for you, mais pour toi, you are always known to be a pastor. On se connaît que tu étais un pasteur. You are known to be a Christian. Tu es connu comme un chrétien. You have also remained. Toi aussi, tu es resté. Oh. Oh. Then what was the cross for? Oh, mais la croix servait à quoi? Then what was the reason for the cross? Mais c'était quoi la raison de la croix? Because for me, pour moi, I am known to be a sinner. Je suis connu comme un pécheur. For you, you were the pastor. Mais toi, tu es le pasteur. The nation of Congo knew you. La nation du Congo te connaissait. As the pastor. Comme le pasteur. The person of God. La langue de Dieu. Oh. Hey. You also remain. Toi aussi, tu es resté. Wow. Wow. Now I fear that thing. Non, j'ai peur de cette chose. I don't even understand it anymore. Je ne comprends plus rien maintenant. They will laugh at Jesus. On va se moquer de Jésus. You understand why I'm here? Vous comprenez pourquoi je suis ici? I am here. Je suis ici. That may never happen to the Messiah. Afin que cela n'arrive jamais au Messie. And when I come to you, et quand je viens vers vous, I give the message as it is. Je donne le message comme c'est. Because parce que I don't come for your offering. Je ne suis pas venu pour votre offrande. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. That's why I am reckless with you. C'est pourquoi je suis dur avec vous. Reckless. Je suis rude. I don't care. Je m'en peu importe. I don't care about how you feel. Je m'en peu importe comment vous vous sentez. In fact, en fait, I want you not to like him. Je veux pas que vous m'appréciez m'aimer. I want you to like him. Je veux que vous aimer lui. That's why I am reckless. C'est pourquoi je suis radical. And I'm saying. Et je dis. That this message of the vision of the wedding rings. Ce message de la vision des anneaux de mariage, the message of purification. C'est le message de la purification. The message that says, c'est le message qui dit, stop the sexual sin in the church. Arrêtez le péché sexuel dans l'église. Pregnant women, engrossez les femmes, engrossez les femmes. Arrêtez cela, arrêtez. Let us return. Retournons. Let us return to the Lord. Retournons au Seigneur. We must return. On doit retourner. Stop it. On doit arrêter cela. I have come to announce. Je suis venu annoncer that the Messiah is coming. Que le Messie est en train de venir. You are used to getting preachers from Europe. Vous avez l'habitude d'avoir les prédicateurs de l'Europe, America, des Amériques, France, de la France, South Africa, de l'Afrique du Sud. They come to paint you with oil. Ils viennent vous peindre avec de l'huile et de lait. Milk and butter. Et le mets et le beurre, vous mettre du beurre dessus. I come with a sword. Moi je suis venu avec le fouet. When I see a tumor, je viens avec l'épée. When I see a cancer, quand je vois un cancer, a tumor, un cancer, un tumeur, je le coupe. And throw it out in the body. Je le jette loin du corps. Not butter and milk, but butter and honey. Non, le lait et le miel. Non. Non. I come with a sword. Moi, je suis venu avec l'épée. To cut, de couper. And remove the tumor and throw. Et enlever les tumeurs et jeter ça hors du corps. That's how I come. C'est comme ça que je suis venu. That's why I have been crying to come for a long time. C'est pourquoi j'ai crié de venir depuis longtemps. I heard about you. J'ai entendu parler de vous. Congo Brazzaville. I heard about your success story. J'ai appris votre histoire de succès. I have come now. Maintenant je suis venu. That we may polish. Afin qu'on puisse raffiner. The story of your life. L'histoire de votre vie. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Now listen to me. Maintenant suivez-moi. After that. Après cela. Then the voice. Again. La voix a encore parlé. Yes, remember, rappelez-vous, this is not the message. Ce n'est pas encore le message. When I finish the vision, I'll give the message. Quand je vais finir la vision, je vais vous donner le message. Then the voice spoke. Alors la voix a parlé. The second time. La deuxième fois. What did the voice of the Lord say? Qu'est-ce que la voix du Seigneur a dit? And he said, il dit, look and see. Regardez et vois. Who is seated on the white horse? Qui est assis sur le cheval blanc? And I remember. Et je me rappelle. When I looked above the two wedding rings. Quand j'ai regardé au-dessus des anneaux de mariage. At the threshold of heaven. Au-dessus là où le ciel commence. Just in the beginning of heaven there. Là où le ciel commence là. Then I saw. Alors je vis. The most powerful. Le plus puissant. Mighty. Puissant. Glorious white horse. Glorieuse cheval blanc. Blanc. Le cheval blanc. Mighty powerful horse. Fera force et puissance lui était donnée. He is different. Il était différent. He is not the type of horse you know. Il n'est pas le genre de cheval que vous connaissez. Very huge. Il est très grand. Very huge horse. Très grand cheval. Huge. Très grand cheval. But I did not understand the message. J'avais pas compris le message. When I saw the white horse, quand j'ai vu le cheval blanc, the powerful, glorious horse, la puissance, le glorieux cheval blanc, I did not understand the message. J'avais pas compris le message. Everybody look at me. Tout le monde regardait vers moi. I did not understand. Je n'avais pas compris until jusqu'à ce que I looked at the behavior, j'ai regardé le comportement of the white horse, du cheval blanc. Then I understood the message. J'ai compris le message par son comportement. I did not understand the message. J'avais pas compris le message. Until I saw his behavior. Jusqu'à ce que je l'ai vu comment il se comportait. Then I understood the message. J'ai compris le message à ce moment-là. The Lord was sending le Seigneur avec quoi le Seigneur m'envoyait? À l'église au Congo. What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? Everybody focus. Tout le monde regardait ici. When I looked at the powerful, glorious white horse. Quand je regardais la puissante, glorieuse cheval blanc. This is what I saw. Que regarde ce que j'ai vu. I saw him. Je l'ai vu. Lifting up the two legs. Il a soulevé ses deux jambes. The front legs. Les pieds de devant. Like this. Il a soulevé ses deux pieds. Lifting like this. Il les a soulevés comme ça là. Il faisait comme ça. He was doing the front legs like that. Il faisait les deux pieds de devant comme ça. And the tail. Et la queue. Was walking like this. Et la queue bougeait comme ça. Walking like this. Et la queue bougeait comme ça. And then. Et alors. He was crying. Il criait. As if he's about to go. C'est comme s'il allait partir. Il faisait. That is the sound I heard. Ça c'est le son que j'ai entendu. Then I understood. Alors j'ai compris. That, hey. Hey. This white horse, ce cheval blanc, is about to be released. Il est prêt d'être libéré. Then I understood. Alors j'ai compris. I understood it's about this. J'ai regardé c'est au sujet de la montre, de l'heure où nous sommes. L'heure. Then I understood. Alors j'ai compris. I said, wow. J'ai dit wow. This white horse, ce cheval blanc, is about to be released. Il est prêt de partir. And I panicked. Et j'ai paniqué in that vision. Dans cette vision. And then from there, à partir de ce moment-là, I saw the horse leaving. J'ai vu le cheval commencer à partir, à courir un peu. Il commençait à partir un peu, à courir. Il commençait à bouger sa carte, à courir. Et quand j'ai regardé, pour voir qui était assis sur le cheval blanc, et alors j'ai vu la gloire du Seigneur. Et puis je me suis réveillé. Alléluia. Alors, quel est le message pour l'église? What is the message to the church in Congo? Quel est le message pour l'église au Congo? From this tremendous vision. À partir de cette vision extraordinaire. Of the two golden glorious. Des deux anneaux merveilleuses, glorieuses, mighty, puissantes, powerful, force et puissance, spiritual wedding rings, purifiant les anneaux de mariage. That are sitting. Qui sont assis in the sky, dans l'espace, at the entrance, à l'entrée that is open, qui est ouvert into heaven, au ciel. When I describe that, you almost get the message. Quand je décris cela, vous avez déjà le message. That the sky is open, que le ciel est ouvert. Heaven is open, le ciel est ouvert. And you put the wedding rings at the door. Et puis il a mis les deux anneaux de mariage à l'entrée du ciel. You can almost understand the message. Vous pouvez déjà comprendre le message à partir de là. If you're walking in the spirit, you know. Si tu marches dans l'esprit, tu comprends. I am going to give the revelation in the Bible. Je vais donner la révélation dans la Bible. But before I give that revelation, mais avant de donner cette révélation, allow me mention some key principles. Permettez-moi de mentionner deux principes, les principes clés, that will lay a foundation, qui va établir la fondation. For the church, pour l'église in Congo, ici au Congo, in the city of Brazzaville, dans la ville de Brazzaville, that when I made that foundation, quand je vais établir sa fondation, then when I bring the revelation, quand je vais amener la révélation, you and I, vous et moi, will be on the same page, on sera sur la même page to understand the revelation, de comprendre la révélation. Hallelujah. Amen. I am happy to come. Je suis content d'être venu. Ils disent, oh, if you want me to come, si tu nous peux venir, there is a financial protocol. Il y a un protocole financier. We need money down. On a besoin de l'argent. You have to put down about, in fact, en fait, in Europe, en Europe, they told me, on m'a dit, that some African preachers, certains pasteurs africains, they are minimum. Ils sont minimum. You want to invite them. Tu veux les inviter? It's 100,000 euros. C'est 100,000 euros. And there is a church in Ukraine. Et il y a une église en Ukraine. A poor church. Une église pauvre. Very poor. Très pauvre. They wanted to invite this African preacher. Ils voulaient inviter ce prédicateur. Ce prédicateur africain. Preacher. Un prédicateur. Preacher. Un prédicateur. And it's a poor church. Et c'est une église pauvre. And they were told, et on leur a dit, 100,000 euros money down. On doit mettre un dépôt de 100,000 euros. Those pastors came to me. They came to report to the Lord. Ces pasteurs sont venus donner rapport à moi. Ces pasteurs pauvres sont venus à moi me donner les rapports. Quand j'étais à Dublin, they came to report it. Ils sont venus donner ces rapports là à moi. They were very poor. Ils étaient très pauvres. So they managed to get only 70,000 euros. Alors ils n'ont eu seulement 70,000 euros. But the African preacher refused to. Mais le prédicateur africain a refusé d'aller. A poor church. Une église pauvre. But here. Mais ici. There is no money down. Il n'y a pas de dépôt d'argent. And the message you get. Et le message que vous avez. Is for the glorious kingdom. C'est pour le royaume glorieux du Seigneur. Le Messie arrive. Hey. Hey! A poor church. In a église pauvre. Only 70,000 euros. 70 000 euros seulement qu'ils ont eu. They cannot afford 100,000. Ils n'arrivaient pas à atteindre 100 000 euros. Surely I had to come here. Certainement, je devais venir ici. This region is the most corrupt. Cette région est la plus corrompue. Congo Brazzaville. Congo Brazzaville. Congo Kinshasa. Congo Kinshasa. Congo where? Congo where? This is the region that is most corrupt in the church. C'est la région la plus corrompue dans l'église. The Lord has shown me everything. Le Seigneur m'a montré toutes choses. It is bad. C'est mauvais. And it goes down to Angola. Et ça descend vers l'Angola. So let me discuss the principles. Alors discutons sur les principes. And then the revelation. Alors la révélation viendra. Number one. Premièrement. Regardez vers moi d'abord. Why do I give these principles? Pourquoi je donne ces principes ici? Because. Parce que. Because at this hour. Parce qu'à cette heure ici. There is so much confusion in the church. Il y a tellement la confusion dans l'église. That's why I must give them so we are on the same page. C'est pourquoi je dois vous donner ça pour qu'on soit la même page. Après, je donne la révélation. Alléluia. Amen. Because I don't want to take it for granted. Je ne vais pas prendre ça pour acquis. Number one. Premièrement. How do you know when the Lord has spoken? Comment savez-vous quand Dieu a parlé? How do you judge? Vous l'église, comment vous get to know? Vous devez connaître that the Lord has spoken. Que l'Éternel a parlé. So number one is this. Le premier point c'est celui-ci. Every time Jehovah speaks. Chaque fois que Jehovah parle. Every time. Chaque fois. Jehovah the Lord. Jehovah l'Éternel speaks. Qu'il parle. Number one. Premièrement. He must rebuke sin. Il doit réprimander le péché. Hallelujah. Hallelujah. I say. Je dis. The lie has reigned here for long time. Le mensonge a régné ici pendant longtemps. But today. Mais aujourd'hui. Le moment de vérité est arrivé à l'église. C'est pourquoi je suis venu. Je suis venu afin que la vérité de Dieu puisse libérer l'église. Je répète le numéro 1. Il dit quand vous allez dans la Bible. When you look at the Bible, quand vous regardez la Bible, and look at every time the Lord spoke, et regardez chaque fois que Dieu avait parlé, you will hear the Lord say, vous allez écouter Dieu dire ceci. Whether he is speaking to Israel, qu'il parle à Israël, or speaking to the church, ou parle à l'église, you will hear the Lord, tu entendras Dieu réprimander le péché. The Bible is full of that. La Bible est pleine de ça. So I wonder, je me demande, what is this lie in this country? C'est quoi ce mensonge dans ce pays? False prophets, les faux prophètes, false apostles, les faux apôtres, have come here. Ils sont venus ici, to give you another message. Vous donner un autre message. Message dulce. Le message douce. Sweet message. Un message sucré. Don't worry. Oh, ne vous inquiétez pas. And they cover you with butter. Et vous couvre de beurre. And wine. Et de vin. And oil. Et de l'huile. And milk. Et le lait. Those people, ces gens-là, they are the enemies of the church. Ils sont les ennemis de l'église. Because they want the church to go to hell. Parce qu'ils veulent que l'église aille en enfer. If you love the church, si vous aimez l'église, those people, ces gens-là, they hate the church. Ils haïssent l'église. If you love the church, mais vous, si vous aimez l'église, you have to help her. Vous devez l'aider to enter. D'entrer au ciel. Those people hate the church. Ces gens-là, ils haïssent l'église. Ils haïssent l'église. That's why the Lord has sent me. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé. So number one. Alors numéro un. He said, il dit that every time the Lord Jehovah speaks. Chaque fois que l'Éternel Jehovah parle. If you listen very carefully. Si vous suivez attentivement. You will hear him rebuking sin. Vous allez l'entendre réprimandant le péché. Number two. Deuxième point. Every time Jehovah speaks. Chaque fois que l'Éternel parle. It must line up. Ça doit s'aligner avec les saintes écritures. In other words, en autre mot, every time the Lord Jehovah speaks, chaque fois que l'Éternel Jehovah parle, you must find it in the Bible. Tu dois trouver cela dans la Bible. The Bible is our reference. La Bible est notre référence. There is no other reference. Il n'y a pas d'autre référence. In other words, he says, en d'autres mots, il dit, on number two, au deuxième point, on number two, in other words, he says, il dit en d'autres mots, au point deux, that if somebody comes here, si quelqu'un d'autre vient ici, and tells you that, oh, the Lord has said, et vous dit, oh, l'Éternel a dit, and you don't find it in the Bible, et que vous ne trouvez pas ça dans la Bible, then you can dismiss it. Alors vous pouvez mettre ça de côté, say to yourself, et te dire à toi-même, the Lord Jehovah, l'Éternel Jehovah, indeed, en fait, he has not spoken. Il n'a même pas parlé à toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oui. La Bible. If you look at the points I am giving you today, si tu regardes au point que je vous donne aujourd'hui. And you know, I also want to speak about this very important message. Je veux aussi parler de ce message très important. The message of the glory of the cloud of the God Father. Le message sur la gloire de la nuée de Dieu le Père. C'est le message important que j'envoie au monde entier en ce moment-ci. When I leave here, going to Suriname now. Quand je vais quitter ce vent Suriname. When I leave Suriname, I go to Burundi. The president himself is organizing a meeting in Burundi. Quand je quitte Suriname, je vais au Burundi. Le président lui-même sera là-bas. I go. Après, je pars. Chaque deux semaines, je pars. Angola, Botswana, Mozambique. That is the most powerful message. Ça, c'est le message puissant important. But before we go there, mais avant d'aller là-bas, it is important to hear this. C'est important d'écouter ce message ici. This one here is the foundation. Celui-ci, c'est le fondement. This is where it all began from. Ici, c'est d'où ça a commencé. In number two, au deuxième point, everybody focus on me. Tout le monde regarde vers moi. If you listen to the point, si tu écoutes sur les points, to the principles I'm giving you, sur les principes que je vous donne, before the revelation, avant la révélation of the wedding ring, des anneaux de mariage, if you listen to the principles, si tu regardes aux principes, if you listen to the principles I'm giving you, tu regardes aux principes que je vous donne, what will you hear? Qu'est-ce que tu vas entendre? You will hear, tu vas entendre the reason today's church has fallen. La raison pour laquelle l'église aujourd'hui est tombée. For example, par exemple, they don't know, ils ne savent pas, that when the Lord speaks, que quand l'Éternel parle, he must rebuke sin. Il doit réprimander les péchés. They have received another message. C'est pourquoi ils ont reçu d'autres messages. The message of prosperity. Le message de prospérité. The message of blessing. Le message de bénédiction. Ils te bénissent dans les péchés. Our God is not confused. Notre Dieu n'est pas confus. S'il y a une bénédiction que l'Éternel veut t'apporter à toi, that blessing, cette bénédiction must draw you closer to the Lord. Doit t'attirer plus près de l'Éternel. No, il n'y a pas de. That the Lord will bless you, l'Éternel te bénisse to move you away from him, afin de te retirer loin de lui. And the only way you can be closer to the Lord, la seule façon que tu vas te près de l'Éternel, is holiness. Sa sainteté. So do you understand? Alors vous comprenez? When you look at those principles, quand vous regardez ces principes, then you understand. Oh, now I know why the church has fallen. Là tu dis, oh, pourquoi l'église est tombée? She did not uphold these principles. Elle n'a pas appliqué ces principes. I said number two. Et j'ai dit numéro deux. Every time the Lord speaks, chaque fois que l'Éternel parle, the Bible is the mirror. La Bible c'est le miroir. We must put it against the mirror. On doit regarder au miroir. The Bible is the balance. La Bible c'est la balance. It is the reason the church has fallen. C'est la raison pour laquelle l'église est tombée. That's why. C'est pourquoi. I am going all over the earth saying this. Je pars dans le monde entier pour dire ces choses. Can I move to number three? Est-ce que je peux aller au numéro 3? So number one. Numéro 1. When the Lord speaks, quand l'Éternel parle, you will always hear holiness, holiness. Vous allez entendre sainteté. Soyez saints. Be holy. Soyez saint. For I am holy. Parce que je suis saint. Number two. Numéro 2. Every time the Lord speaks, chaque fois que l'Éternel parle, you must find it in the Bible. Tu dois trouver cela dans la Bible. Meaning, ça veut dire, it must line up with biblical scripture. Ça va s'aligner avec les versets bibliques. Meaning, ça veut dire, if you are looking for the revelation, si tu cherches la révélation, the Lord speaks, quand l'Éternel parle, you must first line it up with the Bible. Tu dois d'abord l'aligner avec la Bible. And in that scripture, et dans cette écriture, c'est le message qui est là. C'est la révélation. Number three, numéro 3. Every time the Lord speaks, chaque fois que l'Éternel parle, if you listen to him, si tu l'écoutes lui, you'll find, tu vas trouver that this is what he's saying. C'est ce qu'il dit. Every time the Lord speaks, chaque fois que l'Éternel parle, he must rebuke the kingdom of man in the church. Il doit réprimander le royaume humain dans l'église. In other words, en d'autres mots, he will never ever build the kingdom of men. Il ne bâtira jamais le royaume des hommes dans l'église. Today, aujourd'hui, today is today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Number four. Numéro 4. Every time the Lord speaks, chaque fois que l'Éternel parle, if you hear him, si tu l'entends lui, you will hear him, tu vas l'entendre. Building the kingdom of God in the church. Il va bâtir le royaume de Dieu dans l'église. Construire. Il va construire the reign of the just, le règne de Dieu in the church, dans l'église. Number five. Numéro 5. Every time the Lord speaks, chaque fois que Dieu parle, even in the Old Testament, même dans l'Ancien Testament, this is what you'll hear. Vous allez entendre ceci. Everybody focus. Tout le monde regarde vers moi. You'll hear him say, vous allez l'entendre dire. Look the coming Messiah. Regarde le Messie qui arrive. Every time the Lord speaks, chaque fois que l'Éternel parle, even in the Old Testament, même dans l'Ancien Testament, if you listen carefully, si tu regardes attentivement, tu écoutes attentivement, tu l'entends dire, pointing, il est en train de pointer. Look the coming Messiah. Regarde le Messie arrive. Regarde le Messie arrive. Messie qui vient. Le Messie qui vient. Alléluia. Alléluia. Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est parce qu'il vous aime, afin que vous vous prépariez. Even Moses, et même Moïse, when he told Moses, quand il a dit à Moïse, and he told him in the book of Numbers, il a dit dans le livre de Nombres, he told him, il lui a dit, take a bronze snake, prends un serpent de bronze, and put on the wood, et mets ça sur le bois. That if the snake bites anybody, afin que quand le serpent meurt de quelqu'un, whoever, qui que ce soit, when the snake bites, quand le serpent le mord, whoever will look at the bronze snake on the cross, quiconque regardera au serpent des reins, will not perish, il ne périra pas. But see everlasting life. Mais il aura la vie éternelle. And yet, alors, when you now go to the book of John chapter 3, quand vous allez maintenant dans le livre de Jean chapitre 3, from verse 14 down, jusqu'au verset 14 jusqu'en bas, you hear him repeating the same Vous allez l'écouter répéter la même chose. And he says, il dit, just as Moses crucified the snake, comme Moïse a élevé le serpent des reins, that whosoever looks at the snake, afin que celui qui regardait vers les reins, le serpent, after another snake bite him, après que notre serpent l'a mordu, whoever looked at the snake on the cross, tout celui qui regarde le serpent des reins sur la croix, may he not perish, il ne périra pas, but see eternal life, mais il verra la vie éternelle. So shall the Son of Man, ainsi sera pour le Fils de l'homme, be hung up on the cross, qui sera pendu au bois, that may look at him, afin que quiconque regarde le Messie, may not perish, qu'il ne périsse pas, life, mais qu'il ait la vie éternelle. Every time the Lord speaks, chaque fois que l'Éternel parle, if somebody comes here, si quelqu'un vient ici, the many false apostles in this country, il y a beaucoup de faux apôtres dans ce pays, many false prophets, il y a beaucoup de faux prophètes, when they come to you, quand ils viennent vers vous, and tell you the Lord has spoken, et vous disent que l'Éternel leur a parlé, you must listen carefully. Il faut écouter attentivement. If you don't hear about the coming of the Messiah, si tu n'entends pas sur la venue du Messie, you can tell them, no, God has not tu spoken. Peux leur dire non, Dieu n'a pas parlé ici. It is always about the Messiah. C'est toujours au sujet du Messie. Even in the Old Testament. Même dans l'Ancien Testament. The Messiah. Le Messie. That had no sin. Qui n'a eu aucun péché en lui. He took up the image of sin. Il a pris l'image du péché. The image of the snake. L'image du serpent. For us. Pour nous. And was hung on the cross. Et il a été pendu au bois. He took up the image of the snake. Il a pris l'image du serpent. The Messiah that came without sin. Le Messie qui est venu sans péché. Took up the image of sin. Il a pris l'image du péché. And hung on the cross. Et il était pendu au bois. When they offered blood. Quand ils ont offert le sang. In the tabernacle of God. Dans le tabernacle de l'Éternel. On top of the mercy seat. Au-dessus de les sièges de miséricorde. I know a little bit. Amen. Spanish. Alléluia. Au-dessus des sièges de miséricorde. And the blood touched the mercy seat. Et quand le sang touche l'autel de miséricorde, the glory comes. La gloire descend. Every time they sacrifice, chaque fois qu'ils sacrifiaient, it was a foreshadow. C'était une image. A foretelling. Une prédication, une prédestination. C'était une prophétie. Of the Lamb of God. De l'agneau de Dieu. Qui était sans défaut, qu'un jour il viendra, il va répandre son sang sur l'autel de miséricorde, afin que l'Éternel puisse pardonner l'humanité. C'est toujours au sujet du Messie. I don't know what you are taught in the Bible colleges. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a enseigné au collège biblique. Theological colleges. Le collège théologique. For me, I did not go there. Pour moi, je ne suis pas allé là-bas. He called me. Il m'a appelé. And put me on the road. Il m'a mis sur le chemin. And I've been running. Et j'ai commencé à courir. From country to country. D'un pays à un autre. Until he comes. Jusqu'à ce qu'il va revenir. And what he told me. Et ce qu'il m'a dit. Is that every time the Lord speaks, que chaque fois que l'Éternel parle, it is always about the Messiah. C'est toujours au sujet du Messie. Alléluia. Alléluia. Le moment de vérité. Même si quand le Seigneur vient and calls you as a pastor, et vous appelle comme un pasteur, it must be always about the Messiah. Ce sera toujours au sujet du Messie. If you are a pastor, si tu es un pasteur, and you are not preparing the church, et tu ne prépares pas l'église for the glorious coming of the Lord, pour la venue glorieuse du Seigneur, you are not the pastor of Jehovah. Alors tu n'es pas le pasteur de l'Éternel. Non. Every time the Lord speaks, chaque fois que le Seigneur parle, even to Israel, même à Israël and the church, et à l'église, when you listen carefully, quand tu attends attentivement, you will hear three things. Tu vas écouter trois choses. You will hear, tu vas écouter séparation. Séparation. Séparation. Séparation. Séparation from the world. La séparation du monde. from the flesh. La séparation de la chair. Separation from the devil. La séparation du diable. Separation from sin. La séparation du péché. In other words, it's always saying. En d'autres mots, il dit toujours. How come you can't see? Comment vous ne voyez pas? That you are special. Que tu es spécial. Separated. Séparé. Purchased. Racheté. By the blood. Par le sang. You are covenant people. Tu es un peuple d'alliance. You are the elect. Tu es élu. You are the bride. Tu es l'épouse. You belong to the kingdom of God. Tu es parti au royaume de Dieu. Not the kingdom of the world. Non pas le royaume du monde. Alléluia. Oh Jesus. Oh oui. C'est pourquoi je suis venu. Il y a plusieurs autres points. C'est pourquoi quand tu regardes ces points ici, vous allez comprendre pourquoi l'église en Congo Brazzaville est tombée. Congo pointe noire est tombée. I told you, je vous ai dit, when you look at this point, quand vous regardez à ce point ici, you will understand, alors vous allez comprendre the church is where she is. Pourquoi l'église est là où elle se trouve aujourd'hui. Having given you this point, en vous avoir donné ce point ici, the foundation, ça établit le fondement. Then the question is this, alors la question est la suivante. When the Lord, quand le Seigneur spoke with me, m'a parlé about the coming of the Messiah, sur la venue du Messie, and he showed me, et il m'a montré the tremendous vision, la vision extraordinaire of heaven open, où le ciel est ouvert and the two wedding rings in the sky, et les deux agneaux sur le ciel. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église in Congo, Brazzaville. Au Congo Brazzaville. Now I want to give the message of the Maintenant, je veux donner le message du Seigneur. What is the message? Quel est le message? I say, je dis, that every time the Lord speaks, chaque fois que le Seigneur parle, the Bible, la Bible, which means we are going to go to the Bible. Ça veut dire qu'on doit entrer dans la Bible. But before we go there, mais avant de rentrer dans la Bible, can you look at this? Regardez ceci. Darkness. Les ténèbres au ciel, darkness, les ténèbres in the church, dans l'église, darkness, les ténèbres in the inner chambers, dans la chambre intérieure of the house of the Lord, de la maison de l'Éternel. And we are talking about, nous sommes en train de parler the God who loves light, le Dieu qui aime la lumière, darkness in the inner chambers of the house, le ténèbre dans la chambre intérieure de la maison du Seigneur. And then, alors, all of a sudden, soudainement, heaven opens, et le ciel s'ouvra. And when heaven opens, et quand le ciel s'ouvre, then you see, alors vous voyez the glory, la gloire coming like cloud, qui vient en groupe, in clusters, en groupe. And the glory, et la gloire illuminating the darkness, est en train d'illuminer les ténèbres, and the darkness, et les ténèbres run away, commencent à fuir. And until now, et jusqu'à maintenant, the darkness has never understood light. Les ténèbres n'ont jamais compris la lumière. You can, listen, before I give the message, avant que je donne le message, suivez. You can right away see the message. Vous pouvez juste là voir le message. Because he say, parce qu'il dit, the darkness is there, les ténèbres sont là. But when the light comes, mais quand la lumière arrive, after heaven opens, après que les cieux soient ouverts, the darkness run away, les ténèbres fuient. You can almost tell, tu peux juste dire, before I give revelation, avant que je donne la révélation, the Lord is saying, le Seigneur est en train de dire that light plus darkness, que les ténèbres plus la lumière not coexist. Ça ne coexiste pas. Alléluia. Alléluia. Il dit non. The two cannot mix. Les deux ne peuvent pas se mélanger. He said, il est en train de dire light plus darkness, la lumière plus les ténèbres cannot live together, ne peut pas vivre ensemble. Before I give the revelation, avant que je donne la révélation. And you know what he says in the book of 2 Corinthians. Et vous voyez qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Verses 14 to 18. Verset 14 à 18. And he says, il dit, what they cannot. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir les communions. That is just quick like this when you see. C'est quand tu vois ces lumières là. A quick understanding right away. Et tu regardes et tu comprends tout de suite. I give the revelation. Même si je n'ai pas donné la révélation, tu comprends déjà. And he said, et il dit that the Bible promised, la promesse de la Bible, that a time would come, que l'heure viendra, a dispensation would arrive, une dispensation viendra, a dispensation, une dispensation, when heaven would open, là où le ciel s'ouvrira, it will be called, ça sera appelé the open heaven dispensation, la dispensation des ciels ouverts. And when that dispensation comes, et quand cette dispensation arrivera, he says, il dit, there would be the outpour, il y aura la répande, la descente de la gloire. That dispensation, cette dispensation-là, des ciels ouverts, was promised to the church, a été promis à l'église, in the Bible, dans la Bible. So you can, before I give the revelation, avant que je donne la révélation, you can see right away, tu dois voir déjà what message the Lord was giving. Quel message Dieu donne. He was saying, go to tell them, go all over the world. Il va dans le monde entier, va leur dire, go to Congo Brazzaville. Va au Congo Brazzaville. Tell them you have seen the heaven open. Dis-le que tu as vu le ciel ouvert. They will understand. Alors ils vont comprendre. They will know. Ils comprendront the dispensation of open heaven, que la dispensation du ciel ouvert est arrivée déjà. Right away. Déjà. The other thing you see before the revelation, l'autre chose que tu vois avant la révélation, you see that when the glory comes down, quand la gloire descend, he chases away the darkness, ça chasse les ténèbres. Meaning, ça veut dire the glory of the Lord, la gloire du Seigneur, the latter anointing, la dernière onction, the latter glory of God, la dernière gloire de Dieu, must always come, ça doit toujours venir, and go ahead of the Messiah, et partir avant le Messie, and prepare the way, et préparer le chemin. Alléluia. How can you prepare without the glory? Comment pouvez-vous préparer sans la gloire? How can you? Comment pouvez-vous le faire? How can you prepare without the glory? Comment pouvez-vous le faire sans la gloire? How can you? Comment pouvez-vous le faire? It's not possible. Ce n'est pas possible. Hein? Il dit, that help has come. L'aide est arrivée. Alléluia. I have been praying for this church. J'étais en train de prier pour cette église. Now I have come. Maintenant je suis arrivé. One thing I did not tell you, il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Is that as I speak with you, c'est comme je suis en train de parler avec vous. My tears are flowing. Mes larmes sont en train de couler. And they are filling my heart. Et c'est en train de remplir mon cœur. When I look at the condition of the church. Quand je regarde la condition de l'église. Anyway, and then another thing before the revelation. Alors une autre chose avant la révélation. He opens heaven. Il ouvre le ciel. And at the door. Et à la porte. He puts the two wedding rings. Il a mis les deux anneaux de mariage. In other words, he said, en d'autres mots, il dit. Enter through this wedding. Entrez par ces anneaux. Don't worry. Ne vous inquiétez de rien. Don't worry about people saying. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens vont dire. What do you believe in? À quoi tu crois? I am a student of pre-tribulation. Je suis de l'école de l'enlèvement avant la tribulation. I am, for me, I believe in the mid-tribulation. Moi, je crois que la tribulation viendra au milieu de l'enlèvement, de tribulation. For me, I believe in the post-tribulation. Moi, je crois que ça viendra après la tribulation. The Lord is saying, le Seigneur dit ceci. Don't worry about human wisdom. Ne vous inquiétez pas de la sagesse humaine. Don't worry about that. Ne vous inquiétez pas de cette sagesse humaine. Don't worry about human philosophy. Ne vous inquiétez pas de la philosophie humaine. You worry about one thing. Vous inquiétez-vous d'une seule chose. If he has announced, s'il annonce that heaven is open, que le ciel est ouvert, and the rings are there, et les anneaux sont là, in other words, he says, en d'autres mots, il dit, make sure you enter through this wedding. Faites tout d'entrer par ces anneaux-là. Don't worry, ne vous inquiétez pas about the ministry, pour le ministère of 144,000, de 144 000 personnes. Don't worry about those things. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. You just prepare. Vous préparez-vous seulement. Et entrez. philosophy. La philosophie. Psychologia. La psychologie. The human theology. La théologie humaine. The schools of thought. Les écoles de pensée. Professors of theology. Les professeurs de théologie. They are exercising their muscles. Ils sont en train d'exercer leurs muscles. They say pre-tribulation. Ils sont l'enlèvement avant la tribulation. Pre. Avant la tribulation. They say mid-tribulation. Alors, au milieu des tribulations. They say post-tribulation. Après la tribulation. And I tell you this. Et moi je vous dis ceci. I have seen the coming of the Messiah. Moi j'ai vu la venue du Messie. I have not shared that vision here. Je n'ai pas encore partagé cette vision ici. But listen to this. Mais écoutez ceci. I have seen the coming of the Messiah. J'ai vu la venue du Messie. And I always say this. Et je dis souvent ceci. That the message is clear. Le message est clair. For without holiness. Sans la sanctification. Nobody. Personne will see the Lord. Ne verra le Seigneur. I keep saying, je dis toujours. You just prepare. Préparez-vous seulement. When the announcement has been made. Quand l'annonce est faite. You just prepare. Préparez-vous. Don't ask me about the date. Ne me demandez pas la date. Or time. Ou le temps. Nobody knows. Personne ne connaît. You just prepare. Vous préparez-vous seulement. You prepare today. Si vous vous préparez aujourd'hui. You go outside there. Et vous rentrez dehors là-bas. Today. Aujourd'hui, et un véhicule vous frappe, and you die, et vous mourrez, and you are prepared, et tu es préparé. It's still okay. C'est ok. If you prepare, si tu te prépares, and you die before the rapture, et tu meurs avant l'enlèvement, it is still okay. C'est ok. If you prepare, si tu te prépares, and the rapture comes before you die, et l'enlèvement arrive avant que tu meurs, it is still okay. C'est ok. You just prepare. Prépare seulement. Philosophia. La philosophie. Theologia. La théologie. Psychologia. La psychologie. Keep it out. Mettez ça dehors, mettez ça de côté. Can I go to the revelation now? Est-ce que je peux aller à la révélation maintenant? I feel I am now ready. Je sens que je suis maintenant prêt to bring the revelation to the d'amener la révélation à l'église. I feel you are now at the same level. Maintenant je sens que vous êtes au même niveau. You go to America. Vous allez en Amérique. You go to France. Vous allez en France. You pay a lot of money. Vous payez beaucoup d'argent. Flight ticket. Les tickets d'avion. Registration. Les frais d'enregistrement. Hotel. Les hôtels. And when you reach there, et quand tu arrives là-bas, if you want to go see the man of God, si tu veux aller voir l'homme de Dieu, you must carry some big offering. Tu dois amener une enveloppe très costaud. They must take a short list. Ils vont prendre des liasses. They say, no, we need only 10 people. On dit, oh non, on a besoin seulement de 10 personnes. 10 people can see. Il n'y a que 10 personnes seulement qui peuvent le voir. And eat dinner with him. Et avoir le dîner avec lui. Alors chacun de vous devez avoir au minimum 10 000 dollars. This one is different. Celui-là, c'est différent. This is a different message. Ici, c'est un message différent. The other message. L'autre message là. He's trying to cheer up the church. C'est en train d'endormir l'église. He's trying to raise the flesh. C'est en train de lever la chair, la chair. They are entertaining clients. Ils sont en train de divertir les clients. But this one here. Mais celui-ci ici. Is about the kingdom of God. C'est sur le royaume de Dieu. The holy kingdom of God. Le royaume saint de Dieu. That after today. Après aujourd'hui. You are summoned. Must change. Vos prédications doivent changer. If you don't, si vous ne changez pas, the sheep, les bêches, les brebis, the people in the church, les brebis de l'église, they will walk away. Ils vont sortir. Oh yes. Alléluia. This is about the kingdom of God. Ça, c'est au sujet du royaume de Dieu. ciel attendait. Asking, demandant, where is the fruit of the cross? Où sont les fruits de la croix? Where is the church that Jesus delivered on the cross? Où est l'église que Jésus a délivrée à la croix? Especially when they look at the condition of the church today. Quand ils regardent la condition de l'église aujourd'hui. Where pastors are sleeping with girls in the church. Quand les pasteurs couchent avec les filles dans l'église. The worship leaders. Les leaders de chorale. The pastors are divorcing their wives. Quand les pasteurs divorcent leurs femmes. They are going for conferences with another girl. Ils parlent dans les conférences avec d'autres filles. Where pastors are preaching another girl. Quand les pasteurs prêchent l'autre évangile. He's asking. Il est en train de demander. Homosexuals are being ordained in the church. Quand les homosexuels sont ordonnés pasteurs dans les églises. Quand l'église est devenue un endroit où les jeunes deviennent enceintes. Asking, il est en train de demander where is the church? Où est l'église que Jésus a délivré à la croix. But where is the church? Où est l'église? But where is that church? Mais où est cette église là? De Messie. Which one am I talking about? De quoi je suis en train de parler? I want us to read the two. Je veux que vous puissiez lire les deux. Then I will tell you which one I'm talking about. Et je vous dirai dans lequel je suis en train de parler ce soir. One of them is in Revelation chapter 1 verse 7. L'un est dans l'Apocalypse 1 verset 7. Revelation chapter 1 verse 7. L'Apocalypse chapitre 1 verset 7. Turn with me there. Allez avec moi là-bas. Look, he is coming with the clouds. And every eye will see him, even those who pierced him, and all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Another one is in Revelation chapter 16, verse 15. L'autre c'est dans Apocalypse 16, verset 15. Behold, I come like a thief. Voici, je viens comme un voleur. Blessed is he who stays awake. Heureux celui qui veille. And keeps his clothes with him. Et qui garde ses vêtements. So that he may not go naked. Afin qu'il ne marche pas nu. And be shamefully exposed. Et qu'on ne voit sa honte. Which of the two have I come to announce here? Lequel des deux je suis venu annoncer ici? One of them. L'un d'eux. When the Messiah comes. Quand le Messie vient. Everybody will see him. Tout le monde le verra. Even the enemies of God. Même les ennemis de Dieu. Meaning those who pierced him. Ça veut dire que ceux qui l'ont percé. When he says those who pierced him. Quand il dit ceux qui l'ont percé. He means even the enemies of God. Ça veut dire même les ennemis de Dieu. One of them. L'autre. He says all will see him. Il dit tous le verront. And the other one. Mais l'autre. He says. Il dit ceci. Like a thief. Comme un voleur. And he says. Et il dit. Blessed are those. Bénis sont ceux-là. Who stay away. Qui restent éveillés. And keep their garment on. Et qui gardent leurs vêtements sur eux. That they may not be shamefully exposed. Qu'ils ne soient pas exposés dans la honte. Be found naked. Qu'on les trouve nus. Which of the two am I talking about? Lequel de deux venus je parle ici? I am talking about. Je parle. The coming of the Messiah. La venue du Messie. When he comes. Quand il vient. At the midnight hour. À l'heure de minuit. Like a thief. Comme un voleur. Do you see the importance of this message here? Vous voyez l'importance de ce message ici? He comes at the midnight hour. Il vient à l'heure de minuit. Like a thief. Comme un voleur. In Spanish they say como ladrón. En espagnol on dit como ladrón. At the midnight hour. À l'heure de minuit. The other one. L'autre là. Everybody must see. Tout le monde le verra. But this one, mais celui-ci, he said, only those who prepare. C'est seulement ceux qui se sont préparés. Alléluia. So, alors, when the Lord, quand le Seigneur comes, il vient at the midnight hour, à l'heure de minuit, like a thief, comme un voleur, what does the Bible say about him? Qu'est-ce que la Bible dit à son sujet? That we may get the revelation. Afin que nous ayons la révélation. The Bible calls it. La Bible appelle cela. The day of the wedding of the Lamb. Le jour de noces de l'agneau. Some people call it. D'autres l'appellent ça. The day of rapture. Le jour de l'enlèvement. Some people call it. D'autres appellent ça. The coming of the Lord. La Messie, la venue du Messie. Some people call it. D'autres appellent ça. They call it the day, the coming of the Messiah. La venue du Messie. In fact, in one of the visions, en fait, dans l'une des visions, the Lord wrote for me a paper. Le Seigneur a écrit pour moi un papier. He wrote for me a piece of paper. Il a écrit pour moi sur un papier. When the Lord was calling, quand le Seigneur m'appelait, every night, chaque nuit, this cloud that you will see there in the afternoon, la nuée que vous allez voir cet après-midi, used to come in the dream. Ça venait dans le rêve. And he spoke from the cloud. Et il me parlait à partir de la nuée. By voice. En voix audible. And when he finished, et quand il finit, he always say, il dit toujours, and it shall be known, et il sera connu that the Lord God has spoken. Que le Seigneur Dieu a parlé. You know, that time I was running away from the Lord. À ce temps-là, je fuyais loin du Seigneur. I did not understand. Je ne comprenais pas. Why the Lord should call me? Comment le Seigneur va m'appeler moi? From the scientific world. Du monde scientifique. When there are many people PhD in theology. Pendant qu'il y a les PhD en théologie. So I was running away for many years from Israel. Alors je began to call me from Israel. Il a commencé à m'appeler à partir d'Israël et je fuyais. Mount Carmel. Au Mont Carmel. Where I was studying. Là où j'étudiais. And so I was running away all throughout. Alors je fuyais partout. Until one time. Jusqu'à un moment. He showed me that I am preaching all over the world. Il m'a montré que j'étais en train de prêcher dans le monde entier. And I asked him, how can I quit my job? Et je lui ai demandé, mais comment je peux abandonner mon travail? I need a lot of money in the account. J'ai besoin de beaucoup d'argent dans mon compte. So I can start going. Afin que je commence à partir. It is called flight ticket. Ça veut dire les tickets d'avion. I did not know that the Lord operates differently. Je ne savais pas que le Seigneur opère différemment. So I remember one time I knelt down. Je me rappelle un moment, je me suis mis à genoux. And told him, Lord, je dis, Seigneur, if this is you, si c'est toi, promising all this, promets-moi ça. Then don't fear me. Ne me crains pas. Who should fear who? Who should fear the other? You. Tell them. Qui doit craindre l'autre? But I told him, Lord, don't fear me. Je dis au Seigneur, ne me crains pas. Write for me a physical note and put on my table near the bed like this. Écris-moi une note physique et mets ça sur mon lit, une lettre physique. Then tomorrow I'll resign. Et demain, je vais démissionner de mon travail. Ever since that time, depuis ce temps-là, the Lord has humored me. Le Seigneur a eu de l'humeur avec moi. He normally comes in the visions. Il vient souvent dans la vision. And writes a note, a piece of paper. Et écrit une note en morceau de papier. And he always draws it close to me to read. Et il amène ça très proche de moi pour que je puisse rire. You did not understand. Vous n'avez pas compris. Hallelujah. Hallelujah. In one of the visions, dans l'une des visions, he wrote a note. Il a écrit une note. Remember when I was in Paris, he also wrote a note. Il a écrit une lettre à Paris quand j'étais à Paris. Yes. It was 12 May or something. Yes, man of God. In France, Paris. Pas seulement que je cherche. Cette nuit-là. Mais this other one, l'autre est là. He wrote a note, il a écrit une note. And he brought the note. Il a attiré la note. And when I read it, et quand je le lis, it says, il a dit, Melchizedek. Melchizedek's day. Il a dit le jour de Melchizedek. Is known as the day of light. Est connu comme le jour de lumière. For some people, alors certaines personnes, they call it the day of rapture. Ils appellent ça le jour de l'enlèvement. Some people, d'autres, call it the coming of the Lord. Ils appellent la venue du Seigneur. Some people, d'autres gens, call it the coming of the Messiah. Appellent le jour de la venue du Messie. Some people, d'autres, call it the day of shame. Le jour de la honte. When the other people will be put to shame. D'autres gens vont te mettre à la honte. Some people call it. D'autres appellent ça. The day of the truth. Le jour de la vérité. When the real Christians will be known. Quand les vrais chrétiens seront connus. Some people call it. D'autres appellent ça. The day of reckoning. Le jour de la reconnaissance. But I can tell you what heaven calls it. Je ne veux pas vous dire ce que le ciel appelle cela. God has given me a note. Le Seigneur m'a montré une note. And it written. Il a écrit. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek is known as the day of light. Est connu comme le jour de lumière. The day of light. C'est le jour de lumière. But in the Bible, mais dans la Bible, it also says, ils disent aussi the day of the wedding of the Lamb. Le jour de noces de l'agneau. So can we come to the Bible? Maintenant, pouvons-nous aller dans la Bible et trouver la révélation? Oh. Revelation chapter 19. Apocalypse 19. Now I am beginning the message. Maintenant je commence le message. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verset 7. Let us rejoice and be glad and give him glory. Again, let me repeat. Laissez-moi répéter. Let us rejoice. Réjouissons-nous. And be glad and give him glory. For the day of the wedding has come and his bride has made herself ready. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. And then he says, et puis il dit, then he says, et puis il dit, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Then he says, fine linen stands for the righteousness of the saints. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Then verse 9, he says, au verset 9, il dit, then the angel said to me, right, blessed are those who are invited into the wedding feast of the Lamb. And he said, these are the true words of God. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Alléluia. So listen to me. Écoutez-moi. What is the Lord saying? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? To the church in Congo Brazzaville. À l'église au Congo Brazzaville. Based on this vision of the two golden glorious wedding rings. Basé sur la vision de ces deux anneaux d'or glorieuses placés au ciel. Now I have taken it and aligned it with scripture. Maintenant je l'ai pris et je les ai alignés avec les écritures. What is the revelation then? Quelle est la révélation ici? The first thing you see. La première chose que vous voyez. In verse 6, au verset 6. The way the Holy Spirit celebrates. Comment le Saint-Esprit est en train de célébrer la venue de ce jour? The way he celebrates it, la façon qu'il le célèbre, it makes you understand, ça te fait comprendre that this day que ce jour must be, doit être the most important day in the calendar of God the Father. Ça doit être le jour le plus important dans le calendrier de Dieu le Père. Une grande multitude. Like loud peals of thunder. Comme des bruits de grandes eaux. Like the roar of rushing waters. Comme la bruit de grandes eaux. And you are talking about 10,000 times 10,000 times, I don't know how many millions. Ça veut dire des milliers, des milliers, des milliers de personnes, je ne sais pas combien de millions. The first thing you present, la première chose qu'il présente, is that when that day arrives, que quand Quand ce jour-là arrive, c'est une histoire. Il y a une célébration historique dans le royaume de Dieu. Une célébration magnifique. Une félicité historique. Une célébration historique. Une jubilé historique. Historic celebration. Une célébration historique. Historic felicitation. Une félicité historique. Historic jubilation. Une jubilé historique. That tells you. Ça te dit ceci. This indeed. Ça, ceci en fait. In the calendar of God the Father. Dans le calendrier de Dieu le Père. Must be. Ça doit être. Most important. Le plus important. Most anticipated. La plus anticipée, the most awaited, la plus attendue, then in the kingdom of God, le plus attendu jour dans le royaume de Dieu. Why? Pourquoi? Before I give the revelation, avant que je donne la révélation, pourquoi? Because parce que the Messiah, le Messie, came down on the earth, il est venu sur la terre, and he walked on our dusty road. Et il a marché sur nos routes poussiéreuses. And he was abused. Elle a été abusé. Defied. Il a été déprimé. And then, alors, he was missing in heaven. He was not there. Oh, il n'était pas au ciel. Il manquait au ciel. And the Bible says. Et la Bible dit. Since the eternity of eternities. Depuis l'éternité de l'éternité. To eternity of eternities. De l'éternité de notre éternité. Until that day. Jusqu'à ce jour-là. On the cross. Toute la croix. The Messiah. Le Messie. Has never ever. Il n'a jamais jamais. Been separated from the Father. Il n'avait jamais jamais été séparé du Père. Never ever. Il n'avait jamais, jamais été séparé du Père. Day, mais à ce jour de la croix, church, à cause de l'Église, for the first time, pour la première fois, he closed heaven. Le ciel était fermé sur lui. And he allowed him to be tortured, il a, lui a permis to be abused, d'être abusé, to be murdered, d'être tué in the most cruel way. D'une façon très cruelle. On that day, à ce jour-là, indeed, en fait, God the Father, Dieu le Père and the Son, et le Fils, were separated. Ils étaient séparés. And he went down. Et il est rentré en bas. Why? Pourquoi? Because of you. À cause de vous. Because of the church. À cause de l'Église. But when he finished the beautiful job at Calvary, après qu'il a fini le travail merveilleux au calvaire, then, alors, he was raptured. Il a été enlevé on the eastern slopes of the Mount of Olives, du côté est du Mont des Oliviers, talking to the disciples, blessing them like this, parlant aux disciples, les bénissant comme ça là. This cloud, et cette nuée que nous avons parlé tout à l'heure, la même nuée qui est apparue à Moïse ce jour-là, quand il a levé les mains pour bénir les disciples, la même nuée est venue le porter et l'escorter et l'a renfermé là au ciel. Since he finished a beautiful job, depuis qu'il a fini ce travail merveilleux, heaven has been waiting, le ciel attendait, asking, demandant, where is the fruit of the cross? Où sont les fruits de la croix? Where is the church that Jesus delivered on the cross? Où est l'église que Jésus a délivrée à la croix? Especially, spécialement when they look at the condition of the church today, quand ils regardent la condition de l'église aujourd'hui, where pastors are sleeping with girls in the church, quand les pasteurs couchent avec les filles dans l'église, the worship leaders, les leaders de chorale, the pastors are divorcing their wives, quand les pasteurs divorcent leurs femmes, going for conferences with another girl, ils parlent dans les conférences avec d'autres filles, where pastors are preaching another girl, quand les pasteurs prêchent un autre évangile, he's asking, il est en train de demander, quand les homosexuels sont ordonnés pasteurs dans les églises, quand l'église est devenue un endroit where the où les jeunes deviennent enceintes, il est en train de demander where is the church, où est l'église que Jésus a délivré à la croix. But where is the church? Où est l'église? But where is that church? Mais où est cette église là? Listen to me now. Écoutez-moi ici maintenant. The Messiah. Le Messie. When he looks at his body, quand il regarde à son corps, he trembles. Il tremble. When he looks at the scars, quand il regarde aux cicatrices on his body, sur son corps, he knows. Il sait. That those people que ces gens-là must have really hated me. Ils m'ont vraiment haï. Look at how they abuse my regarde comment ils ont abusé mon corps. The scars, the big scars, les grandes cicatrices sur le corps. Je ne vais pas parler de ces choses. Quand il m'a montré la vision quand le Messie était crucifié, c'est le jour que j'ai dit je vais te servir Seigneur et j'ai quitté. J'ai pleuré pendant 3 mois d'affilée jusqu'à ce que j'ai perdu ma voix. When the Messiah looks at his body, quand le Messie regarde à son corps, and he looks at the scars, et quand il regarde aux cicatrices, the first thing he knows, la première chose qu'il sait, is that those people must have really hated him. Et que ces gens m'ont vraiment haï, tellement haï, so much, vraiment haï, to abuse him like that. De m'abuser à ce niveau ici. And the Bible says, et la Bible dit, there is a law, il y a une loi. The perfect law, la loi parfaite of the perfect sacrifice of God. De le sacrifice parfait de Dieu. There is a law, il y a une loi. Even in the time of Moses, même dans le temps de Moïse. Exodus 12, dans Exode 12. He told them, il leur a dit. Look for a lamb without defect. Cherchez un agneau sans défaut. That is the perfect law. Ça c'est la loi parfaite. Of the perfect sacrifice of God. Du sacrifice parfait de Dieu. And when the Messiah came, et quand le Messie est venu, he came without defect, il est venu sans défaut. Without blemish, il n'avait pas de défaut. So he could fulfill that law, après d'accomplir cette loi, perfect law, la loi parfaite of the perfect sacrifice of Jehovah, du sacrifice parfait à l'Éternel. And then he atoned for your sin. Alors il a été frappé à cause de vos péchés. And you receive mercy. Alors vous avez obtenu miséricorde. Parce qu'il est devenu the perfect lamb of God, le parfait agneau de Dieu. Perfect cordero de Dios, l'agneau parfait de Dieu. Without defect, sans défaut. But when the Messiah, mais quand le Messie looks at the church today, il regarde l'église aujourd'hui, and he remembers the price, et qu'il rappelle le prix payé, looks at the scar, et il regarde aux cicatrices, when he looks at himself, et quand il regarde lui-même, and he looks at the church, et regarde à l'église, and he says, et il dit, the church I love, l'église que j'ai aimée, if I were at all, si on m'avait dit to go back to the cross, que de retourner à la croix, and die for the church again, de mourir pour l'église encore, I would still go back. Je pourrais encore retourner à la croix. Mais le problème est le suivant. Il y a une loi parfaite pour le sacrifice parfait. Et maintenant qu'on parle, le corps du Messie a des défauts. Il ne peut plus retourner à la croix. He cannot fulfill that law. Il ne peut plus accomplir cette loi. In one vision, dans une des visions, when the Messiah appeared to me, quand le Messie m'est apparu, look what he did. Regardez ce qu'il a fait. The first thing when the cloud opened, quand la nuée s'est ouverte, he did this to me. Il a fait comme ça à moi. And he showed me the nail pierced. Il m'a montré là où le clou a percé la main. In other words, he's saying, en d'autres mots, il dit, look what I did for you. Regarde ce que j'ai fait pour vous. In other words, he's saying, en d'autres mots, il dit, go tell the church what I did. Va dire à l'église ce que j'ai fait. In other words, he's saying, en d'autres mots, il dit, how can they forget this? Comment ils peuvent oublier ça? In other words, he's saying, en d'autres mots, il dit, look, now I have defects. Regarde, maintenant j'ai des défauts. I cannot go back the cross. Je ne peux plus retourner à la croix. Cannot go back. Il ne peut plus retourner à la croix. Now there is defect. Maintenant, il y a des cicatrices. It is not perfect. Ce n'est plus possible maintenant. I receive defect because of you. J'ai reçu des défauts à cause de vous. So when heaven looks at the church, quand le ciel regarde à l'église, they ask, il demande, but where is the church? Où est l'église? That the Messiah, que le Messie, paid a heavy price to purchase, a payé un grand prix pour les racheter. And that's why you see, c'est pourquoi vous voyez, he says, il dit, on the day, les jours, when the glorious church, quand l'église glorieuse, the holy church, l'église est sainte, whether you are two, même si vous êtes à deux, or only five, ou bien cinq seulement, from the whole earth, dans toute la terre, on that day, à ce jour-là, when the fruit of the cross, quand le fruit de la croix will enter heaven, va rentrer au ciel, historic celebration. Ça y aura une célébration historique. Avez-vous compris? Avez-vous compris? The darling of heaven, la perle du ciel, the king of glory, le roi de gloire, came down himself, il est descendu lui-même, and paid a horrendous price, il a payé un prix horrible, that the church may enter, afin que l'église puisse entrer. But when he looks at you, mais quand il vous regarde, the women want to wear slips. Les femmes portent des habits déchirés comme ça. When she walks, quand elle marche, she wants the pastor to last of her. Elle veut que le pasteur puisse convoiter ses jambes. And so the Messiah asks, alors le Messie demande, the price I can see, le prix je peux voir, but where is the church? Mais où est l'église? Where is the holy church that I purchased? Où est la sainte église que j'ai rachetée? Do you understand? Vous, est-ce que vous comprenez? In other words, en d'autres mots, I have brought back, j'ai ramené, I brought it back, j'ai ramené ici, the gospel of the cross, le message de la croix, the gospel of the blood, l'évangile du sang. That is where the eternity of the church is. C'est là qu'il y a l'éternité de l'église. And he says, et là, il dit, that the reason heaven celebrates, la raison pour laquelle le ciel célèbre, if you listen carefully, si vous attendez attentivement, when you read down, quand vous lisez, the reason heaven celebrates, la raison pour laquelle le ciel célèbre, is that the day has arrived, pour que le jour est arrivé, and when they look at the bride, et qu'elle regarde à l'épouse, she is ready. On voit que l'épouse est prête. So you understand, alors tu comprends, that the underlying factor, que la ligne finale, la raison finale, why heaven celebrates that day, pourquoi le ciel célèbre à ce jour-là, is that when the day arrives, que quand le jour arrive, the church is ready, l'église est prête. But how does heaven know that the church is ready? Comment est-ce que le ciel sait que l'église est prête? And he says, alors il dit, that when the church, when heaven sees, quand le ciel voit, the church on that day, le vous êtes le pasteur des vêtements. You are the ones that prepare the garments. C'est vous qui préparez les vêtements. He said, il dit, fine linen, le fin lin, right and clean, pur et éclatant. You are the people, vous êtes le peuple of the garments, des vêtements. You are the people, vous êtes le peuple of the fine linen, de fin lin. And when you go down, et quand vous descendez, then he says, alors il dit, fine linen. Le fin lin stands for the righteousness of the saints. C'est la justice des saints. Oh, I have come here. Oh, je suis venu ici. To announce to Congo. D'annoncer au Congo. How come you don't know? Pourquoi ne savez-vous pas? That this is the hour. Que c'est l'heure. Of the righteousness of God. De la droiture de Dieu. In the church. Dans l'église. I have come to announce. Je suis venu annoncer that this is the hour que c'est l'heure of righteousness de la justice in the church. Dans l'église. This hour. Cette heure ici. If you did not know, si vous ne le saviez pas, now you can prepare. Maintenant vous pouvez vous préparer. If you did not know, si vous ne saviez pas, now you can begin to prepare your maintenant vous pouvez commencer à préparer votre église. Prepare your sheep. Préparez vos brebis. Make sure your messages. Préparez savoir que vos messages. Have changed. Que vos messages ont changé. Inside your message. Et dans vos messages. Make sure every message. Soyez sûr que dans chaque message. Every time you preach. Chaque fois que vous prêchez. They hear one thing. Ils puissent écouter une chose. Righteousness. Droiture. Justice. La justice. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Jusqu'à ce que le Messie arrive. Modern church. L'église moderne. Modern church. L'église moderne. The Lord is saying, le Seigneur dit, the wedding rings are antique. Les anneaux de mariage sont antiques. I long for my first love. Je cherche le premier amour. I long for the primitive church. Je cherche l'église primitive. The church. L'église. Where they walked. Quand ils marchaient. When they walked. Quand ils marchaient. They walked Christ Jesus. Ils marchaient Jésus-Christ. Crucified. Crucifié. And resurrected. Et ressuscité. When they reached. Quand ils atteint. And sat down. Et s'assied. And testified. Et donnait le témoignage. They testified. Ils témoignaient. Christ Jesus. Jésus-Christ. Crucified. Crucifié. And resurrected. Ressuscité. And when they preached. Et quand ils prêchaient. They preached. Ils prêchaient. Christ Jesus. Jésus-Christ. Crucified. Crucifié. Resurrected. Ressuscité. And when they ate. Et quand ils mangeaient. They ate. Ils mangeaient. Christ Jesus. Jésus-Christ. Crucified. Crucifié. Resurrected. Ressuscité. And when they slept. Et quand ils dormaient. They went to sleep. Ils allaient dormir. And they dreamt. Et ils avaient des rêves. Christ Jesus. Ils rêvaient Jésus-Christ. Crucified. Crucifié. Ressuscité. Et quand ils se réveillent. Il se réveillait. Jésus-Christ. Crucifié. Ressuscité. Et qu'ils sont morts. Ils sont morts. Jésus-Christ. Crucifié. Ressuscité. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'ils ont vécu. That is how they serve. C'est comme ça qu'ils ont servi. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, the wedding rings are antique. Les anneaux de mariage sont antiques. I see you are very modern. Je vous vois très moderne. Beautiful city. Une ville belle. Peaceful country. Un pays paix, paisible. But he's asking, mais il demande, in this beauty, dans cette beauté ici, where is Christ Jesus? Où est Jésus-Christ? Crucifié. Ressuscité. I can see your church. Je peux voir les églises. You love Jesus. Vous aimez Jésus. But I have a question. Mais j'ai une question. Where is Christ Jesus? Où est Jésus-Christ? Crucifié. Ressuscité. Jusqu'à ce que vos familles, your children, avec vos enfants. But when I look, mais quand je regarde at your home, dans vos maisons, I ask, je demande. Christ Jesus. Où est Jésus-Christ? Crucified. Crucifié. And let ressuscité. Le Seigneur dit, à cette heure ici, il recherche le salut originel. The original salvation. Le salut originel. Uncontaminated. Qui n'a pas été contaminé. He says, il dit, behold, voici the latter rain, la dernière saison, la pluie de la dernière saison, the latter anointing, l'onction de la dernière heure, the latter glory, la dernière gloire, will be greater than the first church. Va être plus grande que la première église. But when you look at today's church, mais quand tu regardes l'église d'aujourd'hui, and time is over, et le temps est fini, when you look at today's church, quand tu regardes l'église d'aujourd'hui, then you wonder, alors tu te demandes, why, pourquoi is this church, que cette église au Congo Brazzaville lower, est très bas in glory, très bas en gloire the first church, que la première église. Why, pourquoi is this church, que cette église in Congo Brazzaville, au Congo Brazzaville lower, est très bas in anointing, dans l'onction, than the first church, que la première église. Why, pourquoi is this church, que cette église in Congo Brazzaville, au Congo Brazzaville lower, que très bas in glory, dans la gloire, than the first church, que la première église lower, plus bas in holiness, dans la sainteté, than the first church, que la première église lower, très bas in sanctification, dans la sanctification, than the first church, que la première église lower, très bas righteousness, dans la droiture, the first church, que la première église. For the first church. Je demande la première église. I long for the first church. J'aimerais voir la première église. He says, il dit, gold, l'or, and diamond, et les diamants, have I not, comme j'ai noté. But the Christ Jesus, mais le Christ Jésus, crucified, crucifié, and resurrected, et ressuscité, that I have, que j'ai, I give unto you, je vous l'ai donné. Rise up and walk, relevez-vous et marchez. That is the church. Ça c'est l'église. That is the church. Ça c'est l'église. The original church. L'église d'origine originelle. Not yet corrupted by theology, philosophy. Qui n'a pas été corrompu par la philosophie. Theologia. La théologie. Psychologia. La psychologie. Not yet corrupted by, let's go to France, Paris. N'a pas été corrompu, allons d'abord en France, à Paris. Let's go to Montréal. Allons à Montréal. Non. He said, il dit, I am an ancient God. Je suis un Dieu ancien. I am not a modern God. Je ne suis pas un Dieu moderne. I am looking for the ancient salvation. Je cherche le salut ancien. Of the cross. De la croix. And the blood. Et le sang. Let us return. Retournons. Congo. Let us return. Retournons au Congo. Paris, France. Where is he? Somewhere. Paris. Les gens de Paris. Let us return. Retournons. Let us return to the Lord. Retournons au Seigneur à Paris. That you may give us the anointing. Afin qu'il puisse nous donner l'onction. For this hour. Pour cette heure ici. That we may prepare. Afin que nous nous préparions. Otherwise. And sinon. We will miss the kingdom. On va manquer le royaume de Dieu. And he goes on to say. Et va dire encore. That blessed. Béni. Are those who are invited, ceux qui sont invités, into the wedding feast, au fait des noces de l'agneau, into the cena, border de cena, cena de border, qui sont invités aux noces de l'agneau. Listen, écoutez, today, aujourd'hui, I have brought the announcement. J'ai amené l'annonce ici. I have brought the invitation. J'ai apporté l'invitation ici. The invitation for the church. L'invitation pour l'église. The church in Congo. L'église au Congo. The Lord has sent me. Le Seigneur m'a envoyé. We invite you. De vous inviter. Into the wedding feast of the Lamb. Aux noces de l'agneau de Dieu. Christ. Behold, behold. Voici, voici. These are the true words. Ce sont les véritables paroles. Of God, Jehovah. De Dieu, l'Éternel. Listen, me precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. That is the message of the Lord. Ça, c'est le message du Seigneur. For this hour. À cette heure ici. In the church. Dans l'église. That is the message. Ça, c'est le message. That has power. Qui a la puissance. For deliverance. Pour la délivrance. In the church. Dans l'église. That is the message. Ça, c'est le message. That brings the church. Qui amène l'église. To the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. Listen to me. Écoutez-moi. Right now, in 1 minute. En ce moment, en une minute. If there is anybody here. S'il y a quelqu'un ici. That knows. Qui connaît that in their hearts, que dans son cœur right il doit être droit et juste devant Dieu. Don't walk. Ne marche même pas. Run one minute. Mais cours, il y a seulement une minute. Run. Si tu sais que dans ton cœur tu n'es pas in droit devant Dieu, ne marche pas, mais cours. Avancez devant ici. On a besoin de l'espace. Restez debout, restez debout. Those who want to be right. Restez debout pour l'espace. The cet après-midi, we will continue. On va continuer l'après-midi. Please, mais s'il vous plaît, come to the Lord, venez au Seigneur, that we may return, après que nous retournons, that we may repent, qu'on puisse se repentir. When I preach this message, quand je prêche ce message, thank you so much. Merci beaucoup. Thank you, the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Venez. Quand je prêche ce message au Kenya, les grands bishops de la ville, ils viennent à moi et se mettent à genoux et reçoivent le Seigneur. Et alors, ce message, ça ne connaît pas que tu sois pasteur, que tu es brebis, ça n'importe peu. Just run to the Lord. Cours seulement vers le Seigneur. Let us kneel down before the Lord. Agenons-nous devant le Seigneur. I know there is no room. Je sais qu'il n'y a pas assez d'espace. But wherever you are, mais peu importe où que tu sois, you can kneel down there. Tu peux te mettre à genoux là. Lift up your hands. Et lève tes mains. That the Lord may begin anew. Que le Seigneur commence, puisse recommencer à toi. Que l'église may begin anew. Puisse recommencer à nouveau. And again I say, et je dis encore, it does not matter pastor or bishop. Peu importe qu'on soit bishop ou pasteur, this is the hour. Ceci est le moment. Lift up your hands high. Levez haut vos mains, levez haut les mains. And repeat very loud. Répétez à haute voix. In French. En français. Say precious Jesus. Dit précieux Jésus. I have heard your word. J'ai entendu ta parole. I have heard. J'ai entendu. That this hour. Que cette heure ici. Is the hour of holiness. Que c'est l'heure de la sanctification. I come before you. Et je viens devant toi. And ask you. Et je te demande. To purify my heart. De purifier mon cœur. Purify my ministry. De purifier mon ministère. And establish holiness. Et d'établir la sanctification. In my life. Dans ma vie, in my salvation, dans mon salut, in my ministry, dans mon ministère, in my family, dans ma famille, in the church, dans l'église, in this nation, dans cette nation, precious Jesus, précieux Jésus. Anoint me. Moi. With power. Avec la puissance. With fire. Vite le feu. For holiness. Pour la sainteté. And bring revival. Et amène le réveil. In my life. Dans ma vie. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Today, oh. pray for you. Laissez-moi prier pour vous. Mighty Father. Puissant Père. Lord, I lift up my left prophetic hand towards you. Père, je lève ma droite prophétique devant toi. And ask you, my Father. Et je te demande, mon Père, to baptize this people. De baptiser ce peuple. With fire. Avec le feu. And establish this people. Établis ce peuple. In holiness. Dans la sainteté. And bless these people. Et bénis ce peuple. That they may run away from sin. Qu'ils courent loin du péché. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. For me. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen.